Yaoundé, 1er jour, 15 mai, 15 décembre, samedi, 14h. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la parole. On y va. Sa rencontre, je puis faire. les enfants blés cantant, cantant sur lui de la neige. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, cantant sur lui tout est là. Suis-je en paix? Sur lui de rendre tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit lui tout est là, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais tant et que sur lui, content sur lui de rendre, tant que dure le combat, que la vie l'on vive ou que l'on meure, content sur lui tout est là. Oui, le devoir toujours et toujours compter sur le Seigneur, amen. Parce que le Seigneur, et c'est pas toujours content sur lui que nous avons pris cet engagement, prendre la route avec tout ce qui ça comporte, que ce soit les accidents, que ce soit le pays de l'ennemi, que ce soit les projets satanés. Nous comptons sur lui et nous savons que le Seigneur fait le reste au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là et que le Seigneur, nous devons seulement tourner nos regards vers le Seigneur. Toujours tourner les regards vers le Seigneur. Oui, si nous ne tenons pas les gens de le Seigneur, nous aurons beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Nous veillons sur nos sangs. 200 000 euros. Numéro 200. Nous devons venir. Numéro 200. C'est sans nuage, semble annoncer un jour calme et serein. Si dans ton cœur que veut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille au matin, le soir, veille le soir. Veillez et priez toujours. Veillez à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans la. Matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soi sa divine présence, baisse son cœur tout en souci. Veille au matin. Veille le soir. Veille et prie toujours. Veille toujours, à tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte. toi, tu n'as pas prié avant d'arriver. Oui, peut-être que chaque fois quand tu dors, ou tu te querelles avec soit ta femme, ou avec les voisins, ou avec ceci, et tu ne veilles pas, c'est pourquoi des songes, autre chose viennent dans les rêves. Toujours veiller. Oui, il faut toujours veiller, veiller, en priant, veiller dans les actes qu'on pose, veiller dans les paroles qui sortent de nos bouches, veiller au niveau de nos pensées. Demandez toujours à Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui nous gère. Est-ce Dieu ou est-ce les pensées du diable? Nous devons faire attention. Ah, Pierre était heureux lorsqu'il a donné la bonne réponse. Qui suis-je? Dieu le blesse. Quelques minutes plus tard, à Dieu le blesse. Faisons attention. Veillons, c'est pour toi jusqu'à la mort. Nous avons intérêt à s'attacher au Seigneur. Jusqu'à la mort, nous n'avons pas le choix parce que l'ennemi est toujours proche de nous. Quand bien même on croit qu'il n'est pas là, quand bien même on est heureux parce qu'on a eu je sais pas quoi, un examen, on a eu je sais pas quoi, l'argent de papa ou l'argent de maman, quand bien même on est heureux de comment on appelle ça, soit des diplômes ou soit des concours, quand bien même on est heureux des passeports et des voyages et tout, mais l'ennemi reste toujours là. Parce que lui, le sommeil, il est là, il rôde toujours. Il rôde. C'est pourquoi jusqu'à la mort, nous devons s'attacher à lui. Jusqu'à la mort, nous devons le suivre. Jusqu'à la mort, c'est simple. Jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le livre écrit d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui roules pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre écrit d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devons. saignant par toi, sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, nous serons toujours avec toi. Jusqu'à la mort, nous serons toujours attachés avec toi. Nous n'avons pas le choix, véritablement, si nous devons être avec le Seigneur. Si le Seigneur nous a appelés, nous n'avons pas le choix. Nous allons toujours le suivre. Et c'est pourquoi nous devons être debout. Debout, à n'importe quelle heure quand il va nous appeler. À n'importe quelle heure. Quand tu dis que tu aimes le Seigneur, il va positionner deux situations devant toi. Et c'est toi de choisir. Si tu dis que c'est le monde qui va choisir, tant mieux. Si tu dis que c'est le Seigneur, il va positionner. Si tu dis que tu aimes, si tu dis que, oui, Seigneur, montre-moi, je veux prouver de l'amour, je veux aimer, je veux être amour, je veux être amour. Ok, c'est la prière que tu as faite dans ta chambre, avec le Seigneur. Il va positionner des situations qui vont montrer que tu dois montrer qu'effectivement tu es amour. Tu m'aimes, voilà la situation. Et les situations où tu seras embarrassé, tu ne sais pas véritablement si tu dois suivre le Seigneur ou si tu dois véritablement le suivre. À ce moment, si tu aimes le Seigneur, c'est ça qui va déterminer ta position. Amen. C'est ça qui va déterminer ta relation avec le Seigneur maintenant. Amen. C'est pourquoi il y aura des tests. Il y aura des épreuves. C'est pourquoi nous devons être debout. À n'importe quel moment. Nous devons être debout. À n'importe que ce soit la nuit. Lève-toi, prie. Tu dois te lever et prier. Amen. Donc on doit être debout comme des soldats. Amen. 204. Debout comme des soldats. Debout. Cinque cohortes, soldats du roi des rois de nom. Victoire en victoire, humaine qui le suit, la trompette résonne, debout vaillant soldat, il telle couronne, est le prix des combats. Soyons fermes et fâches, doublons de courage, si redouble d'efforts, debout pour la bataille, attends, n'hésite plus, pour que nous ne défaillons. L'âme invincible, soldat, rêve ton nom. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttons jusqu'au matin. Déjà, à l'horizon lointain, bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le jusqu'à la mort. Prions, prions, prions, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté et pour ce moment merveilleux que tu nous donnes dans cette ville de Yaoundé. Nous prions, Père, que tu bénisses cette maison qui nous accueille. Nous prions pour le Père de cette maison et la maman de cette maison. Nous prions, Dieu de gloire, que tu aies un regard favorable dans leur vie. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont venus au loin, des quarantaines de kilomètres, pour venir ici au Dieu de gloire, t'écouter, pas un homme, mais toi. Nous prions au Dieu de gloire, nous recommandons entre tes mains que ce soit toi seulement et non nous. Nous prions au Dieu de gloire que tu te glorifies dans nos vies. Nous remettons au Dieu de gloire nos cœurs devant ton trône maintenant, afin que toi seul tu redresses ce qui était tortueux. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Tu sais, au Dieu de gloire, nos besoins aujourd'hui. Nous avons soif et faim de toi. Daigne te révéler à chacun de nous. Et je prie au Dieu de gloire que durant ces jours, nous ne savons pas combien, que nous allons passer en ta présence, je prie au Dieu de gloire que tu bénisses ce peuple. Et pour tous ceux dont Dieu, que tu vas amener ici, je prie, Père, que tu leur aies un regard favorable dans leur vie. Je prie au Dieu de gloire que tu visites chaque cœur sans exception, chaque vie sans exception, afin qu'elle soit des trophées pour toi, au Dieu de gloire, à la fin. Je prie au Dieu de gloire que tu te manifestes en nous et au travers de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Saluez-vous alors les uns les autres. Saluez-vous encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à Yaoundé. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous allons commencer. Il ne voudrait pas que, comme beaucoup sont venus de loin, il ne veut pas que vous rentrez dans la nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le climat est bon pour travailler, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Sortez dans vos Bibles, si les portables sont allumés, éteignez afin qu'on puisse travailler. Je ne sais pas combien de jours on va passer dans cette ville-ci, mais quel qu'en soit le cas, nous allons travailler. Vous voulez qu'on travaille, non? Oui. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Donc, merci. Que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui ont voulu prendre en charge pour que nous soyons bien et confortables comme ça dans ce climat-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le premier cantique que vous avez chanté. Je ne sais pas comment on peut encore chanter cela vraiment à votre voix. Le premier, c'est pas comment. En Jésus, je m'abandonne. On peut encore chanter cela. 223. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous tout simplement, mais que vos cœurs soient à genoux tout simplement. D'accord? Amen. C'est bon, chant. C'est 200 dans le chant de victoire, c'est ça? Mm-hmm. Allons-y. Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit je le crois, et je crois ce qui me donne la couronne avec la croix. Comptons sur lui dernière, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là, que si l'ennemi se montre, mon cœur n'a point troublé. À sa rencontre, je puis aller sans trembler longtemps. Comptons sur lui dernier, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. De la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit, comptant sur lui de ramener. Tant que dure le combat, que l'homme de l'homme vive ou que l'homme meure, comptant sur lui tout est là. Comme approuve ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter de celui, content celui de la mer. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur lui tout est là. Comptant sur lui de la neige. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur lui tout est là. Tu as dit c'est combien, mon frère? 223. Ton 223 là, ok. Mm-hmm. Ok, regardez bien votre cantique devant vous pendant que je vais lire, n'est-ce pas? Mm-hmm. À Jésus, je m'abandonne. C'est ça le cantique, les paroles du cantique. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Vous y êtes? Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Vous avez ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. La couronne avec la croix. Ça, c'est le premier. Alors, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Ce premier vers-ci, en fait, lorsque nous chantons ça, très souvent, on est abandonné. Mais est-ce qu'on, la parole, est-ce que ce que nous y lisons, est-ce que c'est vrai? Ou mieux, est-ce que nous chantons ce qui est vrai? Puis il dit ici, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Est-ce qu'en réalité, dans la réalité, dans les faits, nous comptons sur le Seigneur Jésus? Est-ce que d'heure en heure, nous comptons sur lui? J'arrive maintenant tout à l'heure, qu'on va aller dans les Saintes Écritures. Puis le 2 dit que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Maintenant, si peut-être vous dormez puis vous entendez des pas bizarres dans la maison, la panique commence. Mais pourtant, on vient chanter, comptez sur lui, que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Si c'est le chat ou bien la souris, vous voyez comment vous paniquez. Imaginez qu'un démon lui-même se présente. Vous faites comment? Regardez. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ en sa rencontre. Ça montre qu'il y a d'abord une relation avec Christ pour que vous alliez en sa rencontre. S'il n'y a pas de relation d'abord préétablie avec Christ, dans les moments de difficulté, on ne peut pas l'appeler, il vient. Vous avez moi? Mm-hmm. Mes frères et sœurs, vous êtes là, non? Oui. Voilà. Et puis, le 3 dit, suis-je en paix avec la lumière? Enfin, ça voulait dire, je suis en paix avec la lumière. Posez-vous tout ce moment la question chaque fois en lisant maintenant les cantiques. Ça, c'est juste le fait qu'on lit avant de réchanter encore. Que chacun se médite cela dans son cœur en posant la question, est-ce que vraiment je suis... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en paix avec la lumière? Est-ce que je suis vraiment, si l'ennemi se pointe à l'horizon, dans ma vie, enfin l'ennemi, le combat, ça prend tous les tournus. Ce n'est pas stéréotypé, ce n'est pas monotone. Le combat n'est pas conventionnel, ce n'est pas des choses qui sont préétablies que le combat va venir comme ça. Ça sort dans tous les sens. Et quand ça se manifeste, les combats se manifestent dans nos vies, est-ce que nous comptons sur le Seigneur? Est-ce que nous avons le Seigneur pour aide? Est-ce que nous avons recours à lui? Est-ce que nous comptons sur lui? Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors ici, le 4 dit, le 3 dit, je suis en paix avec la lumière. Mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui. Vous voyez cela? Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme. Et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui. Est-ce que véritablement, puisque le chant c'est compter sur lui, est-ce que nous comptons sur le Seigneur? Est-ce que véritablement nous comptons sur le Seigneur dans nos actions, grandes comme petites, difficultés comme moyens de subsistance? Est-ce que nous comptons vraiment sur lui? Chantons encore. Toi, chant. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptons sur lui d'un honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, sur lui tout est là. Mais la lumière, mon chant sera tendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit, comptons sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptons sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Amen. Amen. Fermez vos cantiques, prenez la Bible maintenant, on va parler. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère Amen. Que vous avez compris les paroles de ces chants et que désormais, en lisant les paroles de ces chants, nous allons vérifier, d'accord? Amen. On va méditer pour savoir si on est en règle avec cela ou bien c'est en règle avec nous. Maintenant, on va commencer. Je vais aller vraiment doucement. On va aller doucement vraiment avec les Saintes Écritures. D'accord? Je vous pose une question. Si vous voyez le chien quelque part et qu'on est en train de manger la viande, vous pensez que le chien se compte sur quoi? Les os. Les os, c'est très bien. Donc le chien, il espère avoir l'eau, c'est pas vrai? Vous pensez qu'une femme enceinte, lorsque les douleurs de l'enfantement la saisissent, vous pensez qu'elle compte sur quoi? Qu'est-ce qu'elle espère? Elle enceinte, elle espère avoir son enfant. Vous pensez que les jeunes enfants comme vous, qui l'approche de l'examen arrive, vous pensez qu'elles attendent quoi au juste? Qu'est-ce qu'elle espère dans le cœur? L'examen. Et vous pensez qu'un prisonnier, quelqu'un qui est en prison, qu'elle est enfermée, privée de liberté, vous pensez que cette personne pense à quoi au juste chaque fois? À la liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons parler des prisonniers. Prisonniers. Nous sommes tous prisonniers. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous sommes tous prisonniers, des prisonniers. Prisonniers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Souvenez-vous, même si vous entendez n'importe quoi, si ça vous fâche, ne vous fâchez pas contre moi. Mais c'est la parole. Nous sommes quoi? Prisonniers. Il se pourrait que désormais vous lisez votre Bible et ça vous change. Et puis, vous pensez que vous n'avez jamais lu ces choses-là dans la Bible. En réalité, tout le monde est prisonnier. Tout le monde est prisonnier. Dans beaucoup de sens du terme, nous sommes prisonniers. Chaque domaine, chaque personne, sans exception. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur passion. Il y a des gens qui sont prisonniers de la haine. Des gens qui se sont enfermés dans une boule de haine. Ils ne peuvent pas pardonner. Vous me suivez? Je veux toute votre attention. Quand on va commencer à aller dans les Saintes Écritures, donc je vais parler des prisonniers. C'est là où on va commencer. Si le Seigneur permet, si ça dure, je ne sais pas comment ça va se passer. Je veux qu'on voit ces choses avant d'avancer pour voir ce qu'il a à nous donner. Prisonniers. En réalité, nous sommes prisonniers même de nos désirs, des passions, des choses que nous souhaitons que ça arrive, que ça n'arrive pas. Nous sommes prisonniers, des prisonniers. Nous sommes prisonniers en grosso modo de la vanité. Nous sommes prisonniers dans le monde. Vous remarquez que il y a ici à Yaoundé, il y a ce qu'on appelle la prison centrale d'Nkondingi. Il y a des gens qui se trouvent à l'intérieur, dont vous voyez ces personnes, vous dites, on a pitié de ceux-là sont prisonniers. Ceux qui sont prisonniers, c'est sur le sens physique, au sens physique du terme, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans un cadre, mais leur mouvement est restreint. Nous sommes à l'extérieur. Nous pouvons aller à Douala, voyager partout, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes prisonniers de la même façon. Il y a des gens dans cette prison-là qui sont plus libres que ceux qui sont dehors. Dans cette prison. Parce qu'ils sont là-bas emprisonnés par Dieu. Par exemple, si vous lisez dans votre livre des Philippiens, l'apôtre Paul se présente comme prisonnier. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, prisonnier de Jésus-Christ. Vous voyez cela? Il se présente comme prisonnier, il en est fier. Il se présente comme prisonnier qui a même les chaînes entre les mains devant Festus quand il est en train de se présenter. Il dit que je souhaite que je devienne chrétien, hormis ces chaînes-ci. Il dit qu'il est prisonnier à cause de la foi des élus. Il est en prison pour une cause. Puisqu'il prêche la parole, il est en prison là-bas. D'autres personnes dans la même prison que se trouve Paul. Si vous lisez le livre de Actes des Apôtres, je crois que vous avez votre stylo, commencez à prendre parce que c'est comme ça que ça va aller. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, il va délivrer une femme qui avait l'esprit de Python, qui devinait, qui procurait un grand gain à son maître. Ça va amener la révolte dans la ville au point où on va l'attraper, lui et Silas. On va les enfermer dans la prison de cette ville-là, à Philippe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à louer Dieu dans la nuit. Louer Dieu. La Bible déclare que les autres prisonniers les entendaient. Donc, dans cette prison se trouvait Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus, Silas, son coéquipier, puis les autres prisonniers qui avaient commis certainement les séditions, les exactions, selon la loi humaine normale. Mais ceux-ci avaient été en prison tout simplement parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Ils ont fait du bien à quelqu'un. On les a mis en prison. Le voilà en prison. Quel est son motif? Parce qu'il a délivré une femme d'un esprit de Python. Voilà pourquoi il était en prison. Mais remarquez très attentivement que Paul, avec Silas, ne s'était pas fâché parce qu'il était en prison. Ils n'ont pas appelé les imprécations sur les geôliers ou bien sur les gens qui les ont mis en prison. Non, non, que Dieu brise les dents de les ennemis. Non, envoie le feu sur ceux qui ont mis dans cette injustice. Non, non, non. La Bible déclare qu'ils chantaient et chantaient le louange de Dieu. Pas vrai? Amen. Maintenant, regardez très attentivement qu'ils étaient en prison, mais ils savaient que c'était la volonté de Dieu qui y soit. Parce qu'en réalité, à cause de leur venue en prison, le geôlier, c'est-à-dire que le gardien, le registre de prison, a été sauvé. Parce qu'en temps normal, s'il n'entrait pas pour reprocher l'évangile, il n'avait pas accès. Donc il fallait une injustice des hommes pour pouvoir le conduire là-bas afin que les gens soient sauvés. Vous voyez comment Dieu marche dans ses voies, n'est-ce pas? Très souvent, on ne comprend pas ces voies-là, mais il nous y conduit comme ça. Alors nous sommes tous, sans excuse, c'est la Bible qui le dit, nous sommes tous prisonniers. La plus grande, sinon la plus terrible, de cette prison, c'est l'ignorance. C'est la plus terrible. Dans Osée 6, il dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Comment quelqu'un peut périr? Pourtant, il a son cerveau, il a ses yeux. Nous allons voir tout cela dans les Saintes Écritures. Si vous êtes, merci pour le frère qui a mis de l'eau là-bas. Si vous avez soif, levez-vous tranquillement, vous prenez de l'eau. Parce qu'on va aller doucement dans les Saintes Écritures. Prisonniers. D'autres sont prisonniers. Il y a des femmes qui souffrent de l'amour. Elles souhaitent avoir l'amour de leur mari, ne peuvent pas avoir. Elles sont prisonnières à l'intérieur. Elles souffrent, elles ne peuvent pas manifester ce qu'elles ont à l'intérieur. Elles boivent à l'intérieur, c'est la prison. Elle est enfermée à l'intérieur. D'autres, ce sont les hommes qui souhaiteraient, ils voient une femme, ils ne peuvent pas aller vers cette femme-là. Malgré qu'ils soient mariés, ils sont prisonniers. D'autres sont prisonniers du manque d'amour. D'autres sont prisonniers du manque de l'amour, comme je viens de le dire. Vous voyez cela? De la part de leur famille, de la part de leur conjoint, ils sont prisonniers. D'autres sont prisonniers du vol. Il fait n'importe comment, il vole le mensonge. Ils sont prisonniers du mensonge. Voilà pourquoi, si vous lisez, notez Luc chapitre 4, à partir du verset 16 et 17. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 4, la Bible déclare que quand Jésus, notre Seigneur, est entré à Capernaum dans la synagogue, j'espère qu'il ne veut pas vite, non? C'est vite, vite, me dit, je me calme. Voilà. Donc, quand, dans ce livre de Luc, au chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est entré à Capernaum dans la synagogue, selon sa coutume. On lui a remis le livre du prophète d'Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis la Bible déclare qu'après avoir lu cela, il a déroulé, il a remis et s'assit. Tous avaient les regards sur lui. Il dit aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture que vous avez entendues sont accomplies. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs, renvoyer libres les opprimés. Maintenant, est-ce que vous avez vu dans le ministère de Jésus entrer dans une prison, dire à quelqu'un que sort? Est-ce qu'il est allé dans les prisons pour aller chercher les gens? Mais il dit que l'Esprit est sur lui pour libérer les captifs. On libère quelqu'un qui est captivé. Mais pourtant, ceux qu'il rencontrait étaient libres physiquement, pas vrai? C'est-à-dire qu'ils étaient libres de leur mouvement. D'autres personnes qui étaient de loin pouvaient venir le voir. Ouvrez le livre de Luc, chapitre 13, voir. Luc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Ouais, l'atmosphère est vraiment calme. Le climat est vraiment bon pour parler de Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez des brousses ici chez vous, ici à Yaoundé. Vous pouvez aller dans les bananiers pour chercher le Seigneur. Vous cachez dans les forêts là pour chercher le Seigneur. Priez. Et je crois que dans la zone de Simalène ici, là, c'est encore bien. Pas vrai, mon frère? Dans le Luc chapitre 13, frère Vincent, tu peux nous lire à partir du verset 10. Regardons ce qui est dit là-bas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui l'a rendue infirme depuis 18 ans. Depuis quel âge? 18 ans. Oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se dressa et glorifia Dieu. Oui. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne tâche pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne le jour du sabbat? Stop. Alors, je pose la question. La Bible déclare ici que c'était un jour de sabbat, donc un jour de réunion où les juifs se rencontrent. Cette femme-ci, elle ne dort pas là-dedans. Elle a quitté sa maison pour se retrouver là-bas, n'est-ce pas, mes chers? Je vous pose la question simple. Vous me répondez par oui ou par non. Quand elle quittait sa maison pour le lieu de culte, elle avait les chaînes sur elle? Non. Est-ce qu'on pouvait voir une chaîne sur elle? Mais voici Jésus qui dit que cette femme-ci avait une chaîne depuis 18 ans. Elle était quoi donc? Prisonnière. Prisonnière de Satan. Depuis quel âge? Depuis pendant 18 ans. La Bible déclare que ça, elle était courbée, elle ne pouvait plus se relever. Mais quand on voyait cette courbée, elle est entrée dans l'assemblée comme ça là. Courbée, on pensait que non, c'était juste une infirmité. La Bible déclare, Jésus l'ayant vue, dit, femme, tu es délivrée de tes infirmités. Et lui, ayant imposé la main, elle se redressa. Maintenant, voilà les chefs de synagogue qui sont jaloux. Jésus dit qu'il y a 6 jours pour faire le travail. Venez vous faire guérir ces jours-là. Ouais, et ne faites pas ça le jour du sabbat. Jésus dit, hypocrite, cette femme-ci, il dit qu'elle est une fille d'Abraham. Regardez bien le mot, une fille d'Abraham. Donc, vous voyez effectivement que vous dites, non, je suis chrétien. J'arrive tout à l'heure, on va voir dans les Écritures. Il dit que Satan tenait le pendant 18 ans avec cette chaîne. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc, elle était prisonnière. Fille d'Abraham. Elle participait au culte de l'église. Elle était fidèle au culte. La preuve en est que Jésus était là, tout le monde était là. Pas vrai? Et elle le faisait depuis 18 ans, mais elle était quand même en prison. Et c'est comme ça que beaucoup de nous sommes. Beaucoup de nous. Notez le livre des Romains, chapitre 11. Notez. Je vais vous donner le nom, donc vous allez noter, puis je vais y revenir. Maintenant, on va commencer à lire doucement. Vous n'avez pas de Bible, madame? Trouvez une Bible assez, madame, c'est parce que ça ne va pas t'en sortir comme ça. Ouais, tu vas écouter comme ça, comme la Bible déclare, quand tu vas sortir là-bas, Satan va enlever maintenant avec les troupes. Pendant qu'on sera là, ta tête sera en train de penser à Novelas. Prisonnier. En fait, la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans cette prison. Nous voici dans le monde. Nous voici dans ce monde-ci. Vous avez noté Romains chapitre 11, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, on va aller tout à l'heure, on va y ouvrir. Notez aussi Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prison. La plus grande dans de ces prisons, sinon, c'est l'ignorance. La plus grande des prisons dans lesquelles l'homme se trouve enfermé, c'est l'ignorance. Cette ignorance-là est donnée par le voile satanique. Parce qu'il a l'autorité sur ce monde. La Bible déclare que c'est le prince de ce monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc l'évangile, on prêche l'évangile, mais il y a un voile qui est jeté sur le cœur des gens. Les gens ne parviennent pas à comprendre parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens justement chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2, que si les chefs de ce monde avaient la sagesse, leur sagesse qu'ils avaient là-bas, s'ils connaissaient vraiment la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tellement intelligents qu'ils sont en prison. D'autres sont en prison à cause des philosophies. Et la Bible nous dit qu'il faut que vous fassiez attention à ce que les gens ne fassent de vous leur proie par la philosophie. Donc avec l'éducation, on peut vous mettre en prison. En fait, beaucoup d'entre nous sommes dans la prison à cause de l'éducation qu'on a reçue. Beaucoup d'entre nous sommes dans les prisons. Je veux toute votre attention. Beaucoup d'entre nous sommes en prison à cause de nos traditions. Nous sortons de quelque part. Dans vos traditions, vous avez une façon de faire, une façon de vous comporter. Prisonnier. C'est à cause de cela que les Juifs n'ont pas reçu Jésus quand il était présent. Si vous lisez le livre d'Isaïe, chapitre 29, le verset 11 à 13, la Bible déclare que ce peuple-ci m'honore de leurs lèvres, mais le commandement qu'ils ont, la crainte qu'ils ont de moi, ce n'est que des traditions et des préceptes des hommes. À cause de cela, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Jésus était au milieu de parlant de la part du Père. Ils avaient des traditions. On lave la coupe à l'extérieur. Pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains, ainsi de suite. Et vous, pourquoi désobéissez vos commandements de Dieu au profit de votre tradition? La tradition. Ils avaient installé leur propre tradition. Et les gens maintenant commençaient à suivre plutôt les rituels, les traditions. En suivant les traditions pouvaient être bien, comme aujourd'hui dans les coutumes. Chaque personne, chaque groupe a sa coutume. Chez les Bamileke, ils ont dit, chaque fin de mois, quand quelqu'un meurt, c'est quand même notre père, c'était notre grand-père. Il faut quand même qu'on parle, faire l'honneur, on construit la tombe, on met le carreau. D'autre part, chez les marabouts, on leur dit que non, ton père est fâché contre toi parce que tu n'as pas arrangé sa tombe. Vous voyez, là on se trouve, n'est-ce pas? Prisonnier. Prisonnier de la tradition. D'autres personnes disent non. Si ma maman meurt, si, il faut qu'on pleure d'abord tous les anciens parents, on regroupe tout là-bas, on les fait le funérailles une fois, on pleure. Vous venez dans une deuil, il y a plusieurs photos comme ça là. Quelqu'un se met devant une photo, commence à pleurer pour quelqu'un qui est mort depuis 1960 alors que lui-même n'était pas encore né. Prisonnier. Prisonnier. Prisonnier. Prisonnier des passions. Prisonnier. Enfermé dans le péché. On continue, mes chers. Notez 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22. Notez tous ces versets dont je suis en train de donner, on va y revenir maintenant. 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22. Prisonnier. Notez aussi Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 16. Tu ne sais pas ouvrir, n'est-ce pas? Je sais utiliser. Prisonniers. D'autres sont prisonniers par les passions, par les convoitises. Prisonniers. Vous allez voir quelqu'un qui peut s'asseoir devant une télévision, suivre toutes les chaînes des séries télévisées. Elle peut passer 9 heures de temps à écouter Paloma, Marima, ainsi de suite, connaître toutes les séries de télévision, mais ne peut pas lire la Bible. S'il prend la Bible une fois, il ouvre, bam, il baille 4 fois. Prisonnier. Le bâillement dont il fait état montre clairement que son âme est enchaînée. Son âme souhaite la délivrance. Notez Jean chapitre 8. Prisonnier. Nous sommes tous prisonniers. Chacun est en prison chaque fois, dans chaque domaine de sa vie et désire la délivrance. Gardez-vous à l'esprit du livre de Luc que nous avons lu. Le Seigneur Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés et pour libérer les captifs. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs, ça veut dire que les gens étaient captivés. Captivés par quoi? Voilà un exemple que nous venons de voir. Dans ce livre de Luc, chapitre 13. Une femme qui assiste à l'église chaque jour. Assister à l'église, faire les prières, ça n'empêche rien à ce que tu sois en prison. On dit qu'elle était une fille d'Abraham. Donc, par relation sanguine, elle avait l'onction d'Abraham. La fille de la foi, on peut l'appeler fille d'Abraham. Fille de la foi. Mais ça n'a pas empêché qu'elle soit prisonnière. Dans ce livre, notez Romains chapitre 8, donc. Vous allez noter, n'est-ce pas? Prenons donc à partir du verset 16. Romains chapitre 8, nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 18. Ou bien jusqu'au verset 19. Prisonnier. Alors, si vous ne le saviez pas, sachez aujourd'hui que vous êtes prisonnier. Vous, si vous ne le saviez pas, et que peut-être ça vous semble bizarre, que vous dites que vous êtes libre, sachez que vous êtes prisonnier. Observez seulement la direction, la tournure que prend vos cœurs. Vous allez voir effectivement que vous êtes dans la prison. Et donc, normalement, si vous êtes en prison, comme je dis ici dès le départ, si quelqu'un qui est en prison, il souhaiterait plutôt avoir la liberté. Jésus donc dit dans ces gens, chapitre 8, que vous avez noté tout à l'heure, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira, vous délivrera. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous libérera. Pourquoi il dit, vous libérera? Il est en train de dire comme ça aux gens qui sont physiquement devant lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est parlé dans une maison où c'était fermé, comme cette fenêtre du champ, il le voyait, quelqu'un est bloqué à l'intérieur. Il est à la fenêtre en train de dire, vous connaissez la vérité, ça va vous faire sortir de cette maison. Non. Les gens avec qui il parlait étaient physiques comme ça, dans la liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les gens ont dit quoi? Il dit, ils ont commencé à comprendre comme s'il fallait qu'ils soient enfermés dans un quatre murs. Il dit, non, nous ne fûmes pas esclaves de personne. Comment dis-tu, nous serons libres? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Vous avez vu cela? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on est prisonnier du péché. Il faut en être délivré. Il y a des gens, même, je m'adresse des chrétiens maintenant, qui ont abandonné un certain style de vie longtemps. Plus tard, se trouvent en plein à l'intérieur, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Commettent des accusations plus graves que ceux du monde. Prisonnier. On peut lire maintenant. Que Dieu vous bénisse. À partir du verset 16, allons-y. L'Esprit lui-même rend témoignage. Lis pour que ceux qui sont loin derrière là puissent entendre mon chef. Hein. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mmh. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mmh. Si toutefois nous souffrons avec lui, oui. Afin d'être glorifiés avec lui. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui. Aussi, la création attend-elle, écoutez très attentivement maintenant, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Oui. Car la création a été soumise à la vanité. Oui. Non de son gré. Oui. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Stoppons d'abord là-bas. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils, la manifestation des fils. Parce qu'elle souhaite également la création. Regardez bien le plantain. Nous sommes en plein l'arène. Vous pouvez donc voir. Regardez. Je vais aller toucher ceci. Remarquez. Cette feuille ici est verte. Vous avez vu cela? Mais regardez très attentivement à côté de la feuille. Le vieillissement a commencé. Vous avez vu? Ça va atteindre un jour comme ça. Comme cela. C'est si comme ça. Quand c'était jeune, cette boule de feuille était aussi verte que celle-ci. Vous remarquez la jeunesse sur l'autre feuille là. Vous voyez comment c'est jeune, mais tôt ou tard, ça va pourrir et mourir. Qu'est-ce qui ne va pas? Les bananiers, les plantains, les feuilles nous montrent clairement qu'il y a un problème sur la terre. Regardez les herbes que nous précipitons. Vous allez voir des parties. Certaines parties sont vertes, d'autres sont sèches. Alors, la question c'est quoi? Pourquoi cette feuille-ci est morte comme ça jusqu'à... Pourtant, elle est bien attachée sur le tronc. Vous voyez que c'est attaché sur le tronc. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Dieu a renfermé, ça a emprisonné cela dans la vanité. Parce que cette bananier-ci, vous n'entendez pas la voix, mais la Bible déclare que ça crie. C'est ce que vous venez de lire là. Que ça crie, ça souhaite participer à la manifestation des fils. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Et il prend le bananier pour vous montrer un exemple. Il a dit la création tout entière, donc tout ce que vous pouvez voir tout autour de vous, grandissent, prennent de la jeunesse, grandissent, mûrissent, meurent. La vanité. Autrement dit, tout autour de nous est prisonnier. Tout, sans exception. Vous dites, ah, j'ai 20 ans, je suis belle, vous allez au miroir, vous regardez, vous dites, je suis belle. Attendez que 20 ans encore arrive sur vous. Quand 20 ans va arriver, vous allez voir un petit cheveu blanc avancer. Vous allez dire, quand vous allez lever un de ces 4 matins, vous entendez crac, votre dos, dit, c'est la performance qu'il y avait à 20 ans n'est plus. La vigueur est terminée. Vous allez d'aller d'amorcer une pente glissante qui va vous faire devenir, revenir tourner à la terre. La vanité, la prison. Et nous sommes en prison là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes conscient, même si vous refusez de dire je dois mourir, vous savez qu'en réalité, de façon intrinsèque, vous devez mourir. La prison. C'est pas ce que vous comprenez. Alors la Bible déclare ici dans ce livre de Romains que la création tout entière a été soumise à la vanité, à la prison. Vous voyez cela? A été enfermé. Donc on est dans la cellule, si vous voulez. On est en prison, enfermé. Et souhaite donc, la Bible déclare que la création donc souhaite. Donc là, avec un Adam désir, participer à la manifestation du Fils de Dieu. C'est quoi la manifestation du Fils de Dieu? Ça veut dire que le Fils de la résurrection. La résurrection ou la manifestation de la vie de Dieu, où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de quoi que ce soit de mauvais qui doit arriver. Donc il souhaite que ça arrive. Ce n'est pas pour dire que non, il faut qu'on entre dans le gouvernement pour influencer, pour être les chefs, les leaders religieux. Non. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question de la vie de Christ se manifestant au travers des individus qui ont obtenu la rédemption. Alors, ces plantains-là qui meurent, les feuilles du plantain, les bananiers que vous voyez partout là qui meurent, qui sont morts là-bas, souhaitent ne plus avoir cela. Parce que dans le jardin futuriste que Dieu va organiser pour nous dans le paradis, il n'y aura plus aucune feuille, ne sera plus comme ça. N'est-ce pas si vous me comprenez? Alors, ça veut dire que nous sommes prisonniers, et ici la Bible déclare que toutes les choses-là crient et souffrent de... Continuons la lecture, écoutons bien ce qu'ils ont dit ici, allons-y. Verset 21. Oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la certitude de la corruption. Stop. Avec l'espérance qu'elle aussi, la création, aussi sera quoi? Affranchie. De la servitude de la corruption. C'est pas la corruption que vous allez négocier pour aller au concours là. C'est la mort qui est injectée dans tous les substances, de tout ce qui a vie. C'est ça la corruption. Il dit, toutes ces choses que nous voyons qui meurent, regardez même le grand arbre qui est là, c'est quoi, c'est le baobab ou quoi que ce soit, remarquez bien qu'il y a le feu mort là-dessus. Il dit, tout cela souhaite aussi participer quoi, à l'affranchissement. Il souhaite la délivrance. Dont le plantain, le bananier crie, Seigneur qui va me délivrer. Le macabre crie, Seigneur qui va me délivrer. Regardez le quoi, la citronnelle là-bas, regardez qu'il y a des feuilles vertes, il y a des feuilles. Pourtant, vous le laissez comme ça, vous ne mangez pas, vous ne touchez pas, ça grandit, après ça meurt. Donc, c'est prisonnier. Tout cela crie. Chaque personne, chacune d'elles, ces herbes-là, crient la soif pour la libération. C'est ce qu'on a dit ici. Vous me suivez, frère? Alors, sans que vous le vouliez ou pas, vous êtes soumis à la vanité. Et la Bible déclare que ce n'est pas quelqu'un qui l'a soumis, c'est Dieu lui-même qui a soumis. Dieu a soumis cela dans la vanité. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Pour montrer que tout est vanité. Il y a tout un livre de la vanité consacré à la Bible. Prenez le temps de lire. Si le Seigneur permet qu'on revienne sur ça dans ces différents jours-ci. Quand vous allez rentrer à la maison, lisez doucement le livre d'Ecclésiaste. Vous commencez doucement au chapitre 1. D'accord? Continuons la lecture ici. Verset 21 encore. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la sainteté de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est la création comme ça. Quand on dit qu'il souhaite aussi avoir aussi, être libéré de la prison là, pour être libre comme les enfants de Dieu. Oui. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, oui, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous entendez ça, hein? On dit la création tout entière, sans exception. Oui. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Stop. Donc nous faisons comment? Nous souffrons et nous soupirons les douleurs de l'enfantement. Donc il y a quelque chose en nous qui montre qu'en réalité, on n'est pas en règle. Il nous faut la délivrance. Oui, continue mon frère. Nous aussi, qui avons les prémices... Le prémisse de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. C'est bon. Donc, d'après ce que nous sommes de lire dans ce livre de Romains, chapitre 8, le verset 16 à 22, Dieu nous montre clairement que tous, nous sommes dans un gobelet ou bien dans une enceinte enfermée où chacun souffre, chacun cherche à s'en sortir. Prisonnier de mauvaises pensées, prisonnier de mauvais désirs, prisonnier des réseaux sociaux. Il y a des gens qui peuvent passer 15 heures de temps comme ça sur les réseaux sociaux, mais quand ils déposent comme ça, ils parlent la Bible, c'est le sommet. Prisonnier devant la télévision, prisonnier. Vous me suivez, mes chers? Pendant qu'on y est, je ne sais pas quelle heure il est, s'il y a Novelas, un chaîne, quelque chose qui va sur ça, Novelas. Pardon qu'on est là, mais ça, son cœur de voir déjà Novelas. Avec le titre des séries qui va passer. Il connaît toutes les séries. Quand ça va finir, pam, il dit que waouh, ça va finir maintenant. Il connaît le nom de tous les acteurs. Mais il ne connaît pas le nom des acteurs de la Bible. Prisonnier. Notre livre d'Éclé, Proverbe chapitre 24, les versets 4 à 5. Proverbe chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Chapitre 24, versets 4 à 5. Alors, maintenant nous sommes prisonniers, dit la Bible. Il y a des manières que vous notez, vous avez noté, on va y revenir là maintenant. Nous sommes prisonniers. Quelle est la façon dont on le voit? Il faudrait beaucoup qu'on observe qu'on est prisonnier, parce que si vous ne voyez pas le problème, il y a des gens, il y a un décès, vous connaissez chez les Blancs, il y a des, on appelle des psychiatries. L'endroit va enfermer les gens qui ont les problèmes de cerveau. Il y a deux garçons qui étaient là à l'intérieur. L'un dit à l'autre que non, ne t'inquiète pas, il va te faire sortir d'ici. Lui-même, il est à l'intérieur. Il lui promet que je vais te faire sortir d'ici. L'autre commence à pleurer que jusqu'à quand tu vas me sortir, on va souffrir ici. Il me dit que non, il te promet qu'il va sortir. Lui-même, il peut faire sortir quelqu'un là-bas. Un jour, donc, il se lève, il va. Les gardiens avaient laissé la porte ouverte, la barrière ouverte. La barrière est ouverte. La barrière est grandement ouverte, on avait oublié comme ça, il suffisait de courir, sortir. Il est arrivé comme ça, là. Il regarde la barrière, normalement, l'enceinte est bien construite. Il a en sortant, il a dit que je vais aller voir. Si la barrière est très haute, on passe au-dessus. Si c'est très bas, on passe en dessous. Il va, il rentre maintenant, il dit à plutôt à celui-là que je sens comment on passe, même sans temps encore ici dedans. Celui-là lui demande que c'est quoi, il dit qu'ils ont laissé plutôt la barrière ouverte. Vous voyez que quelqu'un, il est à l'intérieur, la voie est libre, mais il ne peut pas sortir. Notez Colossiens chapitre 2. Verset 8. Le verset 16 et 17. Vous y êtes? Ok. Maintenant, je vais encore me résumer avant d'avancer. L'éducation que vous avez reçue et que nous avons reçue nous a emprisonnés. Que vous l'admettez ou non. Les mathématiques que vous avez appris, la philosophie que vous avez appris, la science de la vie et de la terre, la géographie vous ont emprisonné. Que vous l'admettez ou non, même que ça a été bon pour l'éducation, pour qu'on puisse lire la Bible comme ça, oui, on admet que c'est bon comme ça, dans ce sens-là, mais ça nous a emprisonné. Ce sont ces choses-là en nous qui combattent contre la vérité de la Bible aujourd'hui. C'est dès le départ, on vous dit, la philosophie, il faut raisonner. Et à partir de maintenant, la Bible dit qu'on ne doit pas raisonner, c'est la foi, il faut l'appliquer. Vous arrivez maintenant, il faut maintenant appliquer la méthode philosophique qu'on vous a donnée. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, nous voici maintenant. En mathématiques, on vous apprend la sorcellerie. Vous ne savez pas que c'est la sorcellerie qu'on est en train de vous apprendre. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait la mathématique, ça ne peut pas trop vous déranger. Mais si vous avez échappé à la mathématique, les séries télévisées vous ont emprisonné. Donc, nous sommes tous des prisonniers. Prisonniers. Prisonniers de l'amour. Une femme qui part voir devant la télévision, elle se met devant la télévision pendant des heures, elle voit la mode. Elle voit les styles des garçons. Elle commence à voir maintenant les styles des garçons. Elle est prisonnière du standard du monde. Même chose pour les garçons. Nous sommes prisonniers. Alors maintenant, souvenez-vous qu'il n'y a pas de prison, ça suppose que notre âme a été emprisonnée. À l'intérieur de nous, donc, on se trouve dans des guerres qui commencent à faire des combats contre nous. Vous commencez à désirer certaines valeurs, vous commencez à chercher certains standards, pensant que c'est vous qui voulez, ne sachant pas que ce sont les choses qui ont été injectées depuis l'enfance. On y va. Romains chapitre 11, donc. Romains. Romains, le chapitre 11. Verset 30, je vais lire, hein, regardez bien. Verset 30, le verset, c'est le verset 32, vous pouvez noter verset 32. Mais vivez la partie du verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Puis il dit verset 2, verset 32, écoutez. Car Dieu a renfermé. Dieu a quoi? Renfermé. Tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, c'est ce que la Bible dit là. Donc Dieu veut parler, dit que vous êtes les quoi? Prisonniers. Les prisonniers. Tous les hommes, sans exception, tous prisonniers. Prisonniers par Dieu. Pour faire miséricorde à tous. ce que vous appelez la grâce. Comme par exemple, les gens sont en prison, vous entendez que le président de la République a signé qu'on libère tel, etc. Il signe tout simplement. On libère, on dit que ça concerne tel style de personnes. Vous remarquez que le président n'a pas signé le décret qu'on libère tous les prisonniers du Cameroun, pas vrai? Il a dit que telle catégorie, sont concernées telle catégorie. Et donc, le Seigneur Jésus dit, la Bible déclare ici là que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, ça veut dire que quand il choisit quelqu'un, il te libère. Il choisit telle personne, il te libère. Regardez Paul l'apôtre. Quand il était dans le groupe de pharisiens, il savait qu'il servait Dieu, pas vrai? Et il était en route pour aller persécuter les chrétiens. Pourtant, il était dans le camp dit de Dieu. Et ces personnes-là qui servaient Dieu, il partait comme ça les tuer. Pas vrai? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez que si Dieu ne vient pas vers vous pour ôter le voile, vous allez servir Satan, croyant servir Dieu. Ou bien citer le nom de Dieu tout en servant Satan. Des prisonniers. D'autres sont prisonniers de la richesse, prisonniers des mauvais désirs, prisonniers des mauvaises pensées, prisonniers du monde. Le cœur est rempli de haine, prisonniers. Vous allez voir, mes soeurs. Et puis on chante maintenant en Jésus, je m'abandonne. Notez le livre d'Ésaïe chapitre 1. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 1, on va y arriver. Aujourd'hui, vous avez noté Apocalypse chapitre 12, non? 12. J'ai dit du verset 11 à 16. Dans ce livre d'Apocalypse, au chapitre 12, on parle des dragons qui va combattre contre les enfants du Seigneur. Et au verset 11, on dit que les élus, les appelés, les fidèles qui sont avec lui, le vaincront aussi. Vous voyez cela? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de quoi? La mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pour ça qu'ils l'ont vaincu. Par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et nous chantons que nous comptons sur lui d'heure en heure. Mais quand on a des difficultés, on se replie sur nos traditions. Quand on a des difficultés, on se replie sur d'autres personnes, même dites qu'ils sont nos chrétiens. Quand c'est très fort à un niveau donné, il rentre chez les marabouts. Après, il commence à chercher des échappatoires en disant que même le marabout traverse avec la puissance de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui avait voulu, il ne devait pas être marabout. Parce qu'on lui a dit que non, il est né avec ce don-là. Vous me suivez, mes chers? Prisonnier. Mais il a dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rafranchira. Pas que non. Ce n'est pas connaître la vérité, ça ne veut pas dire que vous avez un, comment dire en anglais, mental access. Que vous connaissez littéralement que la vérité était chaude. Non, non, non, non, non, non. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui vient, comme il est venu pour le cas de l'apôtre Paul, pour frapper la lumière dans son être. Quand il a frappé la lumière dans son être, quand Paul s'est levé là-bas, il connaissait effectivement qu'il était dans les ténèbres. Où est-ce là? Pourtant, dans son zèle, il croyait qu'il servait Dieu. Dans son zèle, il croyait qu'il était sur la voie de la vérité. Il a même reçu l'autorisation pour aller amener captif là-bas tous ceux dont là pour aller faire les faits prisonniers. Lui-même, voici un prisonnier qui voulait faire des prisonniers. Alors qu'il était prisonnier. Il s'est trouvé maintenant à commencer à prêcher ce même Christ qui partait persécuté. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous êtes prisonnier de quoi? Et que faire des hommes de cela si vous êtes prisonnier? La Bible déclare dans le livre que vous avez noté, dans le livre des deux Pierre, je vous ai donné de livre de noter 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22. Il dit, chacun est esclave. Il les promet de la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes captifs. Ouais, les pasteurs qui vivent dans l'adultère. Vous connaissez des pasteurs qui ont 3 femmes. Sont avec des femmes dans les églises. On connaît, tout le monde connaît. Et on dit que non, non, non, nous, homme n'est pas fait. Mais on prie pour vous, pour mettre la main. Et on dit, non, cet homme, c'est là qu'il prie, ça marche. La Bible déclare, ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Ils promettent la liberté aux autres alors qu'ils sont eux-mêmes captifs. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voici un prisonnier qui désire donc délivrer un autre prisonnier. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Alors il nous faut la délivrance, pas vrai? N'est-ce pas, mes chers amis? Amen. Alors on est en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez qu'il faut quoi? Nous avons des problèmes dans notre âme. Satan s'en fout si vous chantez le nom de Jésus. Tant que l'âme a été déjà captivée, tant que vous êtes en prison, remarquez bien cette femme que nous avons lu dans Luc chapitre 13 aujourd'hui. Elle a participé au culte pendant combien d'années? 18 ans. Peut-être elle était même enfant de cœur avant. Mais ça n'a pas empêché que Satan captive son âme au point où elle était enchaînée. Et le remarquez bien, Jésus dit que c'était avec des chaînes. Voilà une personne qui marchait physiquement, arrivait au culte, chantait, peut-être lavait même la salle, classait le banc. Mais Jésus dit qu'elle était enchaînée. Colossiens chapitre 2. Vous avez noté ça aujourd'hui? Vous avez noté? Vous avez noté Colossiens chapitre 2. Vous avez noté Colossiens chapitre 2. J'ai dit le verset 8, puis le verset 16 et 17. On y va, mon cher. Verset 8 dit quoi? Prenez garde, oui, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est bon là-bas. Lisons encore à haute voix, frère. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, oui, s'appuyant sur la tradition des hommes, oui, sur les rudiments du monde, oui, et non sur Christ. Donc, si quelque chose, vous avez cru en quelque chose, que ce n'est pas basé sur Christ, on a fait de vous quoi? Prisonnier. On a fait de vous de quoi, mes chers? Sa proie. Sa proie. Donc vous êtes quoi? Prisonnier. Prisonnier. Vous avez vu cela? Et c'est justement l'éducation là qu'on enseigne aujourd'hui. Vous remarquez très exactement que dans l'école, quand vous faites n'importe quoi, on vous donne un cours de philosophie, si vous essayez de définir n'importe quoi en citant les versets bibliques, là-bas, on va vous barrer, c'est pas vrai? Dans le cours de philosophie, vous prenez une argumentation dans la Bible, on barre ça directement, on vous donne zéro. Parce que la philosophie est opposée à Dieu. Mais si vous pouvez citer Socrate, vous citez Héraclide, vous citez Damien, Saint Damien, vous citez ceci, on dit voilà, voilà, tu as l'esprit philosophique. Tout, sauf Paul l'apôtre. Parce que celui-ci n'est pas un philosophe. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Prisonnier. Relisons encore ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, oui, par la philosophie et par une vaine tromperie, oui, s'appuyant sur la tradition des hommes, oui, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Maintenant, si on prend les trois choses qui sont citées là-bas, on pourra faire même trois ici là-bas. Non, allons-y. Mais touchons deux. On dit que si quelqu'un ne s'appuie pas sur Christ, mais s'appuie sur la tradition des hommes. Je crois que si nous sommes 20 ici, il y a 20 traditions différentes ici, des différentes tribus, pas vrai? Vous pensez que quand vous grandissez, ce que vous accomplissiez comme tradition, vous avez retrouvé là. Vous serviez qui avec cela? Dans Jérémie chapitre 10, le verset 3, la Bible déclare que les traditions des peuples, les coutumes du peuple ne sont que vanité. Et nous venons de voir effectivement que Dieu a soumis tous les peuples, tout ce qui est dans la création, dans la vanité. Donc en réalité, la Bible déclare que tous ceux qui servent dans la tradition sont des prisonniers. Donc quand vous quittez, vous allez dans vos traditions, vous avez les festivités de Ngondo. On dit que non, c'est la tradition normale, c'est la tradition, c'est notre culture. C'est la vanité. Et donc, vous êtes prisonniers. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, ça veut dire que si vous ne prenez pas vous-même garde, déjà que vous êtes d'abord dans une prison, vous allez encore entrer dans une autre prison. Nous avons besoin d'être délivrés. Délivrés. Si vous êtes là et que vous savez que vous ne prenez pas la parole au sérieux, sachez que vous êtes déjà prisonnier. Bien plus encore, si vous lisez même la parole et que ce que vous entendiez là-bas n'est pas ce qui est selon les Écritures, vous êtes encore prisonnier. Donc, vous pouvez avoir la Bible en vos mains, vous êtes prisonnier. Vous déposez la Bible, vous êtes prisonnier. Vous décidez de ne pas suivre quelqu'un, vous êtes prisonnier. C'est catégorie par catégorie. Il y a des gens qui disent non, je suis athée. Il dit je ne crois en rien. Mais il prend quand même sa clé de la voiture, il met comme ça, il démarre. Parce qu'il s'attend à ce que ça démarre, il croit à ça. Quand il est malade, il va, il prend. Quand le médecin lui prescrit les médicaments, quand il prend ça, il dit merci. Parce qu'il sait que les médicaments là vont lui faire du bien. Il ne sait pas qu'en réalité, il en est de croire. Mais il dit que lui, il ne croit en rien. Quand il s'assoit sur la chaise, il ne teste pas la chaise. Parce que normalement, s'il doute, il doit faire comme ça là. Pas vrai, frère? Mais quand il vient, il s'assoit. Donc il croit que la chaise va le maintenir debout. Donc tous les athées croient. Tu vois cela? Mais il est prisonnier. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par une tradition et par des. Quoi? Par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition et non sur Christ. Donc, toutes les traditions que vous voyez que tout le monde peut développer, les gens croient effectivement que quand on dit ça, on dit que ce sont les Africains seulement. Ce n'est pas nous seulement qui avons la tradition. Les Blancs en ont. Vous voyez dans les films, vous allez en France, il y a ce que vous appelez la cérémonie à l'Arche des Triomphes. On dit que c'est aux soldats inconnus. Ils viennent mettre les fleurs là-bas avec le feu, ils mettent les flammes là-bas, ils mettent là-bas. C'est la sorcellerie. Dans les films, vous voyez des aspects de cela. Les gens vont au cimetière, ils mettent des fleurs, ils jettent des fleurs avec la mémoire de l'homme. La sorcellerie. Vous faites la même chose ici, les Bamlékés en font. D'autres donnent de l'huile, d'autres vont dans les rivières pour aller faire des sacrifices. D'autres viennent dans les rivières. Pas une façon de faire pour servir le diable. Il y a des mamans qui partent au champ. Quand elles veulent manger, quand elles veulent boire de l'eau, elles versent d'abord au sol. Vous dites, c'est pourquoi? Ils disent, c'est pour donner aux ancêtres. Pour donner aux dieux de la forêt. Ils boivent pour eux, donc l'eau qui est au Marogot, ils ne peuvent pas boire. C'est le petit que tu vois sur ce sol-là qui va venir lécher là-bas. Vous n'avez même pas pitié des ancêtres là. Le simple bon sens montre que c'est la sorcellerie. Donc ça veut dire que tu as de boire ta part dans le gobelet. Et quelqu'un qui est plus grand que toi, que tu supposes que celui qui protège ta culture, tu verses pour lui au sol. C'est un point que quelqu'un dit que tu es manque de respect aux ancêtres. Manque de respect aux ancêtres. Dis que tu es un prisonnier qui manque de respect aux prisonniers. Tu es un prisonnier qui manque de respect aux prisonniers. Voilà. Dans vos traditions, vous observez ça. Hein? D'autres vont au champ, quand ils prennent quelque chose pour manger, ils jettent sa part comme cela. Et puis il jette à gauche, après il jette dans les quatre coins. Tu dis, maman, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour nourrir les ancêtres. Donc c'est la quantité qu'ils mangent là-bas. Et on fait cela par réflexe. Je ne sais pas si vous comprenez. D'autres des Bamlékés vont au village, ils disent, il fait quoi? Il m'avait versé l'huile sur la tête de mon père. Il achète un bidon d'huile. Il vient là, il la tombe. Regardez les prisonniers. Il va là-bas. Il dit, papa, je ne t'ai pas oublié. Il t'a brûlé l'huile. Quand il était sur la tête, il buvait l'huile. Non. Vous ne voyez pas qu'on a des problèmes, frère? Donc, désormais, maintenant, c'est lui qui mange. Il vient, il verse comme ça. Sur la terre. Il est content. Quand il part, deux jours après, les fourmis magnans viennent manger l'huile. Ou verser, mais n'importe où, même que ça ne soit pas sur la tête de ton père. Les fourmis magnans vont venir. Après, quand les fourmis viennent, dire que c'est le papa qui est devenu les fourmis. Donc, le papa, c'est devenu les fourmis magnans. Des prisonniers. Lis encore le verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, oui. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, si ça n'est pas appuyé sur Christ, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Nous venons comprendre, n'est-ce pas? Mais le vrai problème, c'est que tu seras en train de répliquer quelque chose qu'on t'a donné. Et par conséquent, tu es prisonnier, tout comme le prisonnier. Alors, il y a un problème. Vous avez noté Ésaïe chapitre 1 aujourd'hui, non? Vous avez noté, n'est pas encore fini dans ces Colossiens. Il y a le verset. Quoi? Il y a 16 et 17. Allons-y. 16 et 17. Éteignez les téléphones. Allons-y. Que personne donc. Écoutez bien ça encore. Ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Oui. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, oui. Mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Lis le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, oui. Et qui subsistait contre nous, oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui. Il a dépouillé les dénominations. Non, pas les dominations. Oui, voilà. Et les autorités. Oui. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Maintenant, je pose la question. La Bible déclare que quand Jésus, notre Seigneur, allait à la croix, il a dépouillé les dominations. Est-ce que vous avez vu les démons là-bas le jour qu'il a été crucifié? Donc, il est en train de faire comme ça le travail contre ces démons qui dérangent la terre maintenant. Et ce sont eux qui inspirent les philosophies. Si vous lisez le livre des Actes, Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 10. Paul l'apôtre va dans une ville appelée Athènes, ce qu'on appelait la capitale de la Grèce. Là. Il y avait tellement des idoles là-bas au point où il marchait dans la ville. La Bible déclare qu'il était irrité de la vie pleine d'idoles. Aujourd'hui, quand vous passez à Nguaikele, il y a le monument de la réunification. Il y a un serpent qu'on a fait comme ça jusqu'à la tête. Quand on passe, on va dire, c'est pour le souvenir de la réunification. Alors que ce sont les idoles. Vous allez à Douala, dès que vous sortez du pont du Vouri, vous traversez, il y a un fantassin qu'on a mis en haut comme ça. Là. On dit qu'il est tordu comme ça. On dit que comment on appelle ça déjà? C'est terrible, n'est-ce pas? Les hauts lieux dans la ville. Mais quand Paul l'apôtre a vu cela, la Bible dit que son esprit était irrité de cette ville pleine d'idoles. Et chaque chose avait le nom. Maintenant, la Bible déclare qu'elle a vu là-bas à une inscription, à un dieu inconnu. Voilà la tradition. La tradition là-bas, c'est que ce sont les monuments, Et les monuments avec connotation. Souvenez-vous, c'est là où viennent les philosophies. Et tous ces gens que nous avons dans la philosophie aujourd'hui, tout cela sont des divinités qui sont sorties là-bas, qui leur inspiraient cela. Vous me suivez? Parce que ce sont les porte-parole des divinités. Et c'est ça qu'on a installé dans l'éducation pour enseigner aux enfants. Donc la philosophie vient du diable. Donc, si vous avez, donc ça veut dire que vous avez passé au moins la classe terminale. En tout, on en a remis ça en seconde. Si vous avez placé la classe terminale, on vous a enseigné le satanisme. Prisonnier. Vous avez fait un peu la science naturelle. On vous a dit effectivement que la Terre n'a pas été créée, elle a apparu par la théorie de Darwin. On vous a enseigné le satanisme. Vous avez trouvé, on vous a donné 10 pour montrer que vous avez bien assimilé. Donc si vous avez un diplôme en philosophie, vous êtes certifié dans le royaume satanique pour être bon satanique. Des prisonniers. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Si on te donne, tu dis que j'ai un baccalauréat à 4 options philosophie. Je dis oui. Tu as combien de moyens? 12 en philosophie. Donc tu as mentionné assez bien dans le royaume satanique. Parce que je savais très bien que si tu écris là-bas que le Seigneur a dit que tu ne tueras pas, on va te barrer ça. Tu as refusé d'écrire l'autre là. N'est-ce pas, mes frères? Des prisonniers. Ésaïe chapitre 1. Il y a certaines choses que j'ai peur de dire à l'église pour le moment, parce que j'ai comme l'impression que je peux ne pas me faire comprendre. Chacun, levez-vous même comme ça, voir. Faites ces mouvements, c'est avec moi. Ok. Ça, est-ce que vous savez que c'est par grâce que vous le faites? Amen. Il y a des gens qui ont lavé ceux qui ne peuvent pas faire ces mouvements. Que même si vous dites que faire le mouvement, il ne peut pas faire parce que son corps est paralysé. Vous savez cela, hein? Ok. Maintenant, si quelqu'un a la main paralysée, comment, mon frère? L'hémiplégie. C'est comme ça qu'il nous embrouille avec les mots là. Bon, paralysé, tout le monde comprend ça, non? Oui. Il dit hémiplégie, c'est hémi quoi. Donc quand quelqu'un fait la main comme ça, vous voyez comment ça veut dire qu'il bouge. Il suffit, je peux regarder mon doigt, regardez bien très attentivement. Je n'ai pas besoin de parler. Je peux faire bouger le doigt ici. Puis je bouge plutôt le troisième. Puis je bouge, c'est pas vrai, je peux faire comme ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc vous pouvez faire cela. Mais comment vous parvenez à faire cela, dites-moi? Donc vous regardez, vous pensez, et puis ça agit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on soit soumis à lui comme ça, pour comme ça il nous guide comme il le veut. Dieu veut que nous soyons comme ça. Regardez bien. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous sommes chacun pour sa part, c'est les membres du corps. Voici un membre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et si un souffre, tous souffrent ensemble. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Maintenant, Dieu conduit les membres à agir. On dit que Christ est la tête parce que c'est le cerveau qui fait ça. Si votre cerveau n'est pas déconnecté de cela, vous ne pouvez pas faire ça. Et la paralysie, justement, c'est la coupure du nerf depuis la tête, la synchronisation entre le nerf du cerveau et la bassine. Le canal ne marche plus, pas vrai? Amen. Alors maintenant, si vous faites comme ça, vous parvenez à faire ceci. Vous pouvez faire ceci. Dieu veut commander nos vies comme il le voit. Comme ça, quand il dit bouge, on bouge. Quand il dit marche, on marche. Quand il dit arrête, on arrête. Dieu veut faire ça. Imaginons que vous voulez faire comme ça et que votre main dit ici. Vous allez voir que vous allez lutter entre votre volonté et la volonté de votre main. Pas vrai? Voilà l'état du chrétien mouvement. Ça, c'est l'état du chrétien. Je ne sais pas si je parle. Maintenant, on ne peut pas me saisir. C'est l'état du chrétien. Cet état-ci, c'est... Remarquez bien, je vais faire mon doigt. Je veux faire mon doigt comme ça. Ça ne fait pas comme je veux. Vous comprenez cela, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas entre les chrétiens et Dieu. Remarquez bien le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, là. Ça commence comment? À Jésus, je m'abandonne. Où est-ce là? C'est qu'il me dit, je le crois. Ce que je veux, c'est ceci. Ce que je veux, c'est ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous voyez ça? À Jésus, je m'abandonne. C'est qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec la croix. Non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous chantez deux musiques qui disent des choses contraires. Parce que l'autre se dit que je ne souffrirai jamais. L'autre dit que À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Un seul passage dans la Bible, coup d'œil, regardez dans la Bible, montre clairement qu'il n'y a pas de couronnement sans souffrance. Un seul passage. De jeter coup d'œil dans la Bible, vous allez voir effectivement que vous n'êtes pas assez beau pour ne pas souffrir pour Dieu. Vous n'êtes pas assez bien pour dire que non, vous allez mériter. La Bible déclare que si vous n'avez pas part au châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que je ne sais pas si je parle, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je crois que le moment viendra, vous allez saisir ces choses-ci. Alors, s'il ne parvient pas à faire mon doigt comme ça, parce que je veux que mon doigt fasse ça. Imaginez par exemple, voici la chaise devant de moi. J'étends ma main pour prendre la chaise. Je veux. Regardez bien, quand je dis je veux, c'est l'expression de ma volonté. L'objectif, c'est de prendre cette chaise-ci. Ça veut dire qu'il faut que ma main exécute ce que je veux. Prendre la chaise. Et puis, j'étends ma main, ça ne va pas. Vous pensez que qu'est-ce que je peux faire? Il y a un problème entre ma main et moi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la... Je suis en nécessité, c'est la Bible ça maintenant. D'accord? Ça c'est la Bible. Donc voilà l'expression donc, de la volonté de Dieu. Vous voyez cela? Voilà l'expression de la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça s'appelle de Noël. Je vais aussi fêter Noël. Pourquoi? Comme le monde le fait. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Mais soyez transformés. Écoutez bien. Soyez transformés par le renouvellement. Si on doit renouveler l'intérieur de quelqu'un, ça veut dire son intérieur est comment? Corrompu. Par quoi? Les traditions d'hommes. Les fausses doctrines. Il faut que ça soit renouvelé. C'est pour ça que le terrain où il s'en est avancé, si les 3-4 jours que nous allons passer ici, je crois que je vais monter d'un cran avec cela. Alors, ça veut dire que, avant d'ouvrir la Bible pour lire pour la première fois, sachez que vous êtes comme un fruit pourri où les vers de terre sont entrés. Vous devez connaître ça déjà. Et par conséquent, si vous venez à l'intérieur en disant que chez nous, les Bamileke, chez nous, les Bassa, comme je suis allé chez un pasteur, il a dit que quand il a vu la saleté, il a pris le balai. Je voulais balayer la saleté pour sortir. Il ne balait pas. J'étais étonné d'abord. Je me suis arrêté. Il dit, c'est quoi, pasteur? Il dit, non, chez nous, les Bassa ne balayent pas la nuit. Il pouvait tomber évanoui. Le pasteur dit qu'il est Bassa et que chez eux, les Bassa, on ne balait pas la nuit. Je l'ai regardé comme ça profondément pour lui signifier que c'est quel verset biblique. Tu es dans la tradition ou tu es dans les saintes écritures. Voilà donc. Vous voyez, un peu par-ci, un peu par-là. On prend un peu de préceptes, on joue les traditions. Ça ne peut pas fonctionner. Le Saint-Esprit ne marchera pas comme ça. Il faut donc un renouvellement. Une reprogrammation de notre intelligence. Parce que nous avons été prisonniers. Prisonniers de l'ignorance, plongés dans l'obscurité. Quelqu'un qui a été mis dans un cachot pour longtemps. Pour longtemps dans les ténèbres. Quand vous le faites sortir, même vous-même, quand vous durez, si on vous coupe la lumière dans la nuit, vous durez dans l'obscurité. Si la lumière vient, pas en première réaction, vous fermez d'abord vos yeux. Parce que ça, la lumière semble vous faire mal aux yeux. Imaginez quelqu'un qui a fait longtemps dans les ténèbres et que subitement sort, on le laisse à la liberté comme ça. Il a du mal à se réadapter dans la lumière. C'est l'état des gens qui rencontrent Christ dans la Bible. Prisonniers. On est tous prisonniers, tous. Prisonniers de passion. Il y a des gens qui ont tellement de passion à l'intérieur qui veulent assouffir. Quand ils voient une femme, Minette, c'est Minette qui est ma femme. Demain, quand c'est tout, il a des marchés avec Minette. Il voit Gaël, il dit, mais j'avais fait le reste, c'est plutôt Gaël. Il va avec Gaël, pendant qu'il marche avec Gaël, il voit Gladys. Oh, Gladys. Vous voyez, il souhaite avoir toutes les femmes. Tu lui donnes toutes les femmes, il ne peut pas s'en sortir. Tu lui donnes toutes les femmes, il ne peut pas réussir. Tu lui donnes toutes les femmes, il ne sera pas satisfait. Donc en réalité, ce n'est pas le femme le problème. Il est prisonnier. Vous me suivez? Salomon avait combien? Ça l'a laissé? Non. Pointe quelqu'un. Dis, tu es prisonnier. Quand quelqu'un dit que tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Même si tu ne l'admets pas, tu es prisonnier. Même si tu ne l'admets pas, tu es prisonnier. Donc on est en prison. Vous voyez cela? Regardez bien. Remarquez, même si tu souhaites que je souhaite avoir 25 heures par jour. La prison, ta prison c'est combien? 24 heures. Dieu t'a mis dans la prison. La Bible déclare que c'est Dieu qui a mis les gens dans la prison. Tu as 24, pas plus, pas moins. Tu montes, tu descends, tu as 24 heures. Tu montes, tu descends, tu vois le soleil, tu vois la lumière. Si le soleil sort, on se dit, ouais, je souhaite l'obscurité aujourd'hui. Tu dois parcourir, tu dois attendre jusqu'à ce que ça parcourt son temps. Tout sous le soleil est dans la prison. C'est ce que la Bible nous révèle, on a lu ça aujourd'hui. Il a soumis tout cela dans la vanité pour faire miséricorde à tous. C'est pour ça que dans le monde, quand on descend, donc, on remonte donc au-dessus du soleil. À cet instant-là, il n'y a plus cette vanité-ci. Parce que tout sous le soleil a été soumis à la vanité. Tu montes, tu descends, tu ne peux pas fuir le soleil. On est en bas. Vous me suivez, frère? On peut continuer là? Oui. Alors, souvenez-vous de ce que ça nous dit. Notre volonté doit faire place à celle de Dieu. Si ce n'est pas ça, on a de marcher en chantant une fausse musique. Ou encore, on a de faux témoignages de Dieu. Dieu ne parvient pas à avoir accès à nous parce qu'il y a sa volonté qui combat avec notre propre volonté. Cette expression-là doit quitter. Donc, quand vous allez rentrer maintenant en lisant, en chantant encore le cantique en Jésus, je m'abandonne. Mesurez bien ce que ça veut dire, je m'abandonne. Je m'abandonne. Dans le livre de Marc au chapitre 10, si vous lisez le verset 28 et 30, verset 28 particulièrement, et si vous prenez votre lecture à partir du verset 10 en montant, la Bible déclare qu'il y avait un riche qui était venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu connais bien ce qu'il faut faire, non? Il dit, lequel le commandement? Il dit, honore ton père et ta mère, fais ceci. Il a dit, ouh, je connais tout cela, qu'est-ce qu'il faut encore? Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le en monde aux pauvres, puis viens et suis-moi et tu auras des récompenses. Il a regardé Jésus comme ça que, hein, c'est ton plan, hein? Donc je vends tout ce que je possède, je viens et marche avec toi, tu me tues pas partout, tu avais dit l'autre jour là que tu n'aimes pas où tu te reposes la tête. Donc je me bats, distribue ça aux gens, je viens, s'il faut dormir sous les prignons, on dort là-bas. S'il faut dormir dans la brousse, on dort, jamais. Quand il a dit ça, il a commencé à partir comme ça, il partait, il regardait Jésus derrière, comme ça, il était vu venir. Vous savez ce qui passe? Vous devez connaître ce que vous voulez. Jésus l'a regardé partir, ayant pitié de lui. Et puis quand il a commencé à partir, Jésus s'est tourné à dire à ceux qui sont restés là-bas. Il dit qu'il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume du ciel. C'est terrible. C'est terrible. Si on demande à tout le monde, chacun ici là, que tu souhaites être comment, je souhaite avoir une bonne famille, une belle maison avec ma voiture tranquillement, avec le travail, une dérange personne. Pas vrai? Chacun aspire à ça. Bon, vous pensez que ceux qui sont dehors là-bas, qui ont les grosses voitures là-bas, ils sont à l'aise? Ils sont pas à l'aise. S'ils ne sont pas à l'aise, vous cherchez donc quoi derrière? Les valeurs, nos standards ont été transformés. Notre intelligence a été bouleversée. Vous me suivez? Le vrai standard, nous devons regarder les vrais standards dans les miroirs de la parole. Le standard tout autour de nous a été biaisé par Satan. C'est pour ça qu'il présente ce que vous appelez star dans le monde. Et dans les films, vous voyez star, vous voyez un garçon commence à faire, quelqu'un dit que non, je vais être comme tel acteur, Jet Li. Il commence à faire les armes à suivre, pour devenir comme Jet Li. Oh, Jet Li, ce n'est qu'un acteur qui voulait manger son argent. Vous entendez quelqu'un dire, ah, je vais être comme Beyoncé, il commence à faire les danses, il fait les reines comme ça. Tu vas chanter n'importe comment, même dans ton quartier, ça ne sortira pas. Vous me suivez? N'est-ce pas si vous me comprenez? Donc ce sont des stars, étoiles, qui sont illuminées par Satan pour captiver des gens et les mettre en prison. Regardez, salon de coiffure, Rihanna. Rihanna ne vous connaît même pas. Style de coiffure quoi? Rihanna. Qui a inspiré ça, Rihanna? Un démon. Quel est le but? Pour que quand celui qui va faire comme ça, invite le même démon, la prison. Est-ce pas si vous comprenez? Donc, alors, ça veut dire que le standard ne doit pas être focalisé dans ceux du monde-là. Parce que ceux du monde, ce sont des gardes prisonniers. Parce qu'un garde prisonnier, lui, est un prisonnier. Il doit être là où il y a le prisonnier pour être en prison lui-même. Alors, ça veut dire que si vous voulez être en prison, suivez-les. Maintenant, si vous voulez la liberté, il faut regarder à la loi de la liberté et observer comme la Bible déclare et plonger les regards dans la loi de la liberté, dans cette loi parfaite là. Il dit celui-là est heureux, se mettant en œuvre, il est heureux. Alors quand cet homme s'y partait, Jésus a dit, il sera difficile à celui qui a de l'argent, des richesses, d'entrer dans le royaume. La Bible déclare, quand Jésus a dit ça, ses propres disciples ont dit quoi? Si c'est ça, c'est que c'est grave. Hein? Jésus dit que ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Il dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par la trouille des trous. Vous êtes les femmes, pas vrai? Vous connaissez le gui avec lequel on compte les habits. Vous connaissez ce qu'on appelle le chameau. Tandis que vous prenez le chameau, vous pouvez parvenir à mettre le maître, il passe par le trou de l'aiguille. Le royaume, le riche ne parvient pas à entrer dans le royaume à cause des richesses. Ça veut dire que les richesses font quoi, frère? Ça crée l'obstacle plus que le trou de l'aiguille. On avance. Ouvrez maintenant le livre des... Je vous ai donné ce que vous avez écrit aujourd'hui. Vous avez écrit Proverbe chapitre 24. Vous avez noté ça? Regardez le verset 4 et 5. Ça va? Merci. Ça va, Yannick? Proverbe chapitre 24. J'ai un petit souci. Oui. Le jeune homme riche là, Marc, c'est 10. Marc chapitre 10. Note le verset 10 ou le verset 28. Je n'ai pas encore fini mon discours. D'accord? Verset 10 ou le verset 28. Proverbe chapitre 24, mademoiselle. Chapitre 24. Alors, lis-nous le verset 4, les versets 4 et 5. Qu'est-ce que ça dit? C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mmh. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Oui, continue. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Mmh. Recommande encore verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Oui. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Oui. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Continue maintenant. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Oui. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Oui. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Oui. La pensée de la folie n'est que péché. N'est que péché. C'est bon. Notez aussi Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe. Notez Proverbe. Je vais donner 3 ou 4 versets dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 8, verset 13. Verset 30 à 33. Vous y êtes? Verset 30 à 33. Mettez jusqu'à 36 même, oui. 30 jusqu'à 36. Voilà. Ouvrons maintenant Isaïe chapitre 1 qu'on a ouvert ici tout à l'heure. Depuis, je suis en train de vous dire que tous les hommes sont prisonniers sans exception. Et nous avons lu dans le livre des Romains chapitre 8, verset 16 à 22, où le Seigneur dit qu'il a soumis toutes choses à la vanité, n'est-ce pas? Nous avons également lu le livre des Romains chapitre 11, le verset 32, où il a dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Nous avons vu cela. Dans le livre de Luc chapitre 13, verset 10, nous avons vu une femme qui allait à l'église pendant 18 ans, mais elle avait le démon. Et Jésus a délivré cette femme, elle dit qu'elle était enchaînée. Pourtant, quand elle marchait physiquement, on ne voyait pas la chaîne. Donc, elle avait la chaîne. Sa chaîne était cette courbature qu'elle avait. Elle ne pouvait pas se redresser parce que Satan la tenait comme ça, captive. Mais physiquement, on ne pouvait pas voir ce qui la faisait souffrir. Donc, d'autres personnes ont plutôt les passions. Vous voyez effectivement que quelqu'un se livre au péché, ne peut pas s'arrêter. Dans les familles, vous voyez certaines personnes qui volent plutôt. Un enfant fait n'importe comment, il vole. Vous le tapez, vous amenez le commissariat, vous tapez, ça ne fait pas. Il est enchaîné. Vous tapez n'importe comment, ça ne peut pas résoudre le problème. Il faut la délivrance. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres personnes sont les homosexuels. Vous dites, comment il a fait? Il dit, non, je suis né dans un pot. Moi, je suis né dans une femme. C'est un homme qui parle. Il dit, je suis né une femme dans un pot d'homme. Comme si on porte une femme, on met dans l'homme. Vous voyez? Il lui faut la délivrance. C'est la délivrance qu'il lui faut. Si le Seigneur ne le délivre pas, il est enchaîné. Et c'est comme ça que Satan fait pour transformer le cœur des gens. Éphésiens chapitre 1. Quoi? Ésaïe chapitre 1. Mm-hmm. On y va? Mm-hmm. Quand vous allez lire ce livre-ci, maintenant, quand vous allez lire, je veux que vous prêtez, quand vous allez voir le mot action. Je veux que vous encadrez. Quand vous allez encadrer action, le verset, vous allez trouver action. On va rentrer dans le livre de Romains. Donc, préparez-vous à ouvrir le livre de Romains. On va y rentrer, d'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. Ok. Allons-y. Nous allons prendre à partir du verset 10. Allons-y. Verset 10. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Oui. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de Bélé et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Aux solennités. Aux solennités. Souvenez-vous, qui en a de parler? Dieu, l'Éternel. Continuons. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Qui parle comme ça? L'Éternel. Il dit que son âme quoi? Hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Continuons. Elles me sont à charge. À charge. Oui. Je suis las de les supporter. Oui. Quand vous étendez vos mains, oui, je détourne de vous mes yeux. Stop. Quand Dieu parle ainsi, est-ce que ceux qui faisaient ce culte-là se rendent compte de ce qui arrive, de ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils se rendent compte? Non. Ça dit qu'ils sont sur la terre, ils sont en train de prier, non? Oui. Ils lèvent les mains, comme on chantait tout à l'heure là. Ils lèvent les mains vers Dieu. Dieu dit, quand Dieu donne la réponse au prophète, il dit, lorsque vous levez vos mains, je tourne mes yeux. Mais quand les gens finissent de faire le cul, ils chantent, ils rentrent avec la sueur, ils disent qu'ils ont trop loué Dieu, pas vrai? C'est pour cela qu'il faut chercher l'approbation de Dieu. C'est que Dieu pense. Ce n'est pas les instruments, le fait qu'on ait passé le temps dans la louange. Vous pouvez passer le temps dans la louange, louer jusqu'à jeûner, prier et Dieu ne peut même pas avec vous. Continuons, frère. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous entendez ça, hein? Oui. Vos mains sont pleines de sang. Oui. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Nous avons trouvé le mot, n'est-ce pas? Dieu dit qu'on ôte devant ses yeux quoi? Donc la façon dont nous agissons peut nous montrer si oui ou non nous sommes agréables à Dieu. Dieu. Alors maintenant, on va interroger nos actions. Souvenons-vous de ce qu'on a de voir, on a de parler des prisonniers. Nos actions peuvent nous montrer effectivement si nous marchons dans la droite ligne avec la parole ou bien en ligne contraire. Ici, le peuple juif se trouve dans un état d'idolâtrie au point où les gens font le culte comme il se doit. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, si vous regardez le milieu chrétien ou bien le milieu religieux aujourd'hui, vous pensez qu'on sait Dieu comme la Bible le dit? Non. Ok, si on ne sait pas Dieu comme la Bible le dit, les gens vont dire que non, Dieu n'est pas quand même trop rigoureux pour qu'on Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu est dans le cœur. La foi n'est pas à l'extérieur. Mais Dieu dit, ôtez devant mes yeux les méchancetés de vos actions. De vos actions. Les actions, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Extérieur. À l'extérieur. Donc, ça veut dire que la foi authentique se manifeste à l'extérieur en conformité avec la parole. Ça veut dire que la foi authentique, si vous avez une foi authentique de Dieu, l'action extérieure sera conséquente. Parce que Jésus a dit, il n'a pas dit que vous allez connaître la foi des hommes, des véritables hommes de Dieu. Il n'a pas dit cela. Il a dit que c'est à leurs fruits oui, que vous les reconnaîtrez. Le fruit, c'est où, frère? Le fruit se trouve où? Le fruit doit être à l'extérieur, justement. N'est-ce pas si vous comprenez? Ok, donc ça veut dire que Jésus nous a donné les signes et les marques extérieures pour reconnaître ce qui est authentique. Et donc maintenant, supposons que vous avez besoin de la goyave. Vous allez sur la goyave. Vous voyez une banane sort, boum, bien mûre, tombe. Même si vous avez soif, vous allez prendre ça. Hein? Dites-moi honnêtement, vous allez manger? Non. Pourquoi? C'est pas normal. Pourtant, c'est la banane. Vous avez besoin de fruits. Voilà un fruit qui est tombé. Vous allez sous le goyavier. Quoi, la mangue tombe là-bas, bien mûr. Vous ne prenez pas pourquoi? C'est pas normal. Parce que la goyave n'est pas censée produire la mangue. Pourtant, quelque chose devant vous, vous fuyez. Mais maintenant, la Bible dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront. Il dit, beaucoup de personnes diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en mon nom, en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Donc Jésus va dire, je ne le connaissais pas. Mais il faisait cela en son nom. Ah, si vous reconnaîtrez les prophètes, il dit que par leurs fruits. Donc maintenant, alors maintenant, je vous pose la question, comment nous reconnaître dans le vrai? Qu'est-ce qui authentifie que vous êtes allé sous le guayavé, vous avez plutôt vu la mangue? Il va falloir que vous connaissiez la différence entre la mangue et la guayave. D'abord, parce que si vous ne connaissez pas la différence entre la mangue et la guayave, vous allez là-bas, n'importe quel fruit tombe, vous allez manger. Parce que vous ne connaissez pas la différence entre le fruit que vous cherchez et le fruit qui est censé être là. Pas vrai, frère? Maintenant, ça veut dire, pour que je dise non à ceci, il faut que je sache ce que la Bible en dit par rapport à ce qui est vrai. Et si la Bible le dit, la Bible est la dernière autorité. N'est-ce pas? Maintenant, je pose la question que j'ai posée tout à l'heure. Lorsque vous voyez les chaînes de télévision, la gloire des hommes manifestée au travers des hommes, la gloire que les gens prennent pour manifester ces choses-là, vous pensez que c'est Dieu qui est derrière? Je vous pose la question simple. Simple. Ouvrez 2 Pierre, chapitre 2. J'arrive là maintenant. Je parle de la prison. Prisonnier. Prisonnier de la haine. Prisonnier des ambitions. Prisonnier de nos actions. Dans la deuxième partie, je vais parler du faux amour. Faux amour. J'ai dit quel livre, hein? 2 Pierre. Alors, ouvrez le livre, chapitre 2. Gardez-vous à l'esprit ce que nous sommes en train de construire depuis. Tout à l'heure, vous avez lu Ésaïe chapitre 1. Dieu dit, ôtez de devant mes yeux. Ôtez, donc enlevez, débarrassez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ça suppose que l'action que nous commettons pousse et montre que c'est initié par le mal et non par Dieu. Donc, par notre façon de comporter, quand il parle de l'action, il parle des choses dans la pratique. Ça veut dire dans la pratique, la façon dont nous vivons, ce n'est pas conforme à lui. Et comme il dit que ce n'est pas conforme à lui, il demande de les enlever. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce livre d'Éphésiens, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 1 que nous avons lu, vous êtes arrêté au verset 16, où il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Le verset 17 dit, le verset 17 de ces Éphésiens, il dit que venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà. Donc Dieu dit, venez et plaidons. Et il dit à cet instant que si vous vous rendez compte qu'en réalité vos actions sont mauvaises, venez vers moi. Parce que c'est lui qui accorde la repentance. Quand il va accorder la repentance, il va nettoyer afin qu'on soit pur. Maintenant, plus haut, il dit au verset 15 et 16 que quand vous levez les mains vers moi, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'entends pas. Et je ne puis supporter la solennité mélangée au crime. Vos mains sont souillées de sang. Les gens croient effectivement qu'il suffit d'aller bavarder à Dieu que non, Dieu est miséricordieux, il écoute. Oh Seigneur, dans Ésaïe chapitre 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver. Ni ses oreilles assez dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et Dieu. Donc quand quelqu'un vit en dessous ou bien en marge de Dieu, il est à l'intérieur de la prison. Il est captif. Vous avez moi? Dans ce livre de 1 Pierre, 2 Pierre, tu es dans 1 Pierre, maman? 2 Pierre. Tu es dans 2 Pierre là? 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 dit: il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura. C'est dans le futur ou dans le passé? Voilà. Donc maintenant, normalement, quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous un instant pour dire, il faut que j'en trouve des exemples. Parce que la Bible ne peut pas mentir. La Bible dit qu'il y a eu. Vous allez dans la Bible, vous voyez les faux. La Bible déclare qu'il y aura. Pas n'importe où. Il a dit, parmi vous. Vous avez vu cela? Donc, en milieu chrétien, se trouve des faux. En milieu chrétien, se trouve des faux. Le verset ne dit pas que il y aura parmi vous des faux prophètes qui ne viendront pas avec la Bible. Non. Parce que tout le monde peut porter la Bible quand je porte là. Tout le monde. Bien plus encore à s'habiller en veste et porter le col blanc. Homme de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous. Il y aura. Une prophétie, pas vrai? Il y aura. Il y aura. On ne dit pas qu'il pourrait y avoir. On dit qu'il y aura. Donc très certainement, il y en a le faux. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront, je suis en train de lire ce qui est écrit là-bas, et qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis la prophétie continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez vu cela? Alors je pose là la question. Vous suivez qui au juste? Prisonnier. Par cupidité. Continue la Bible. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc ça veut dire que les gens vont vous manipuler. Manipuler À cause de quoi dans leur cœur? La cupidité. La cupidité. La cupidité, c'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, le matériel. Il faut qu'on construise le temple ici. Et chercher quatre personnes ici qui vont donner une semence qui va te faire mal. Tu sèmes quelque chose, ça te fait mal. Et toi-même, tu te lèves, tu peux donner. Tu dis, ça me fait mal. Oui, si ça te fait mal, donne. Dieu aime ceux qui donnent, ça fait mal. Dieu n'aime pas cela. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité. Donc, dans la Bible, tout à l'heure, nous venons de voir que dans les actions, on va reconnaître. C'est-à-dire que c'est à l'extérieur qu'on va reconnaître. À l'extérieur. Puisque le fruit est extérieur. Le Saint-Esprit commence à donner les caractéristiques. Les caractéristiques. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Docteurs des enseignants. Qui introduiront. Donc, ils vont apporter quelque chose de l'extérieur pour introduire dedans. Si on introduit des sectes pernicieuses, c'est parce que ces styles de fonctionnement n'étaient pas à l'intérieur. Parce qu'on a introduit. Pas vrai? Et c'est du pénitieux et qui régnant le maître. Gardez-vous ce bout de phrase que le Saint-Esprit dit. Régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, avez-vous déjà vu un pasteur prêcher que je rejette Jésus? Non. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut rejeter. Ce n'est pas comme ça régner le maître. Ça veut dire que régner le maître, c'est autrement. On ne dit pas, vous n'avez pas besoin de dire à Dieu que Seigneur, je ne te veux plus. Il suffit de prendre une position qu'il n'a pas prise, vous venez de le rejeter. Vous me suivez? Notez le livre de 1 Samuel, je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel. Si vous êtes fatigué, vous me dites, je vous donne une pause et puis on continue. Parce que ça dépend de moi, je vais continuer comme ça jusqu'au demain matin. 1 Samuel, le chapitre 7, je vais vous expliquer ce qui se passe là-bas. Dans le livre de 1 Samuel, les Juifs ont sorti de l'Égypte, gouvernés par les rois. Si vous regardez la chronologie, vous allez remarquer que Josué va conduire le peuple jusqu'à la sortie. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 23, 19 à 23, Josué va regarder avec les yeux de l'aigle devant ce qui va arriver aux Juifs. Il va leur dire, Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte là-bas, si vous vous amusez avec lui là, plus tard, il va revenir, après vous avoir fait du bien, il va vous faire du mal. Parce qu'il ne tolère pas qu'on associe des divinités en dehors de lui. Donc ils disent, aujourd'hui, c'est mesurer qui vous voulez servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte, vous devez vous en séparer pour servir Dieu. Dieu ne veut pas le mélange. Ils ont dit, ah non, nous allons servir Dieu. Il a dit que vous êtes témoin aujourd'hui, il en prend à témoin contre vous aujourd'hui le ciel, que c'est vous qui avez décidé de servir l'Éternel. Ce qu'il a dit, nous sommes dans le livre de Josué, je suis en voulant introduire pour aller au chapitre 7 de 1 Samuel. Ce qu'il a dit, ferme la porte là, garçon, ferme la porte là. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va venir. Josué donc quitte la scène. Après la mort, maintenant, Dieu commence à introduire les juges en Israël. En ce temps-là, ce sont des juges qu'il y a. Vous allez avoir Jephthé, Gédéon et tous les autres Shamgar, Onil, que Dieu va susciter pour délivrer Israël de la terreur. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait plutôt le combat en Israël pour défendre les territoires. Alors il fallait qu'il y ait des juges combattants comme Samson pour délivrer le peuple d'Israël. Vous comprenez, n'est-ce pas, Gédéon? Après cette époque-là va passer maintenant, Dieu va introduire sur la scène maintenant le prophète Samuel. Le prophète Samuel donc sera le prophète juge, qui va commencer à juger, il va les juger à Rama, à Bethel, partout, il passer pour les juger. À un moment donné, au chapitre 7, ce que Israël ne devrait pas faire, il va le faire. Au chapitre 7, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Les gens de Kidjat-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Non, laisse le problème de l'arche de l'Éternel, allons au chapitre 8. Lorsque, au chapitre 8. Oui. Lorsque Samuel devint vieux, écoutez très attentivement, établit ses fils juges sur Israël. Oui. Son fils premier-né se nommait Joël. Oui. Et le second Abidja. Oui. Il était juge à Beersheba. Mm. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Oui. Ils se livraient à la cupidité. Vous attendez, n'est-ce pas? Vous comprenez que ça n'a pas changé avec le Nouveau Testament, non? C'est livré à la cupidité. Donc, les premières caractéristiques des faux serviteurs, c'est l'argent. Vous allez voir, on va construire les livres. Cachez ces livres, si vous allez lire, vous allez avoir les révélations. Quand vous entendez ça, sachez qui il est. Même si vous avez fait un peu comme moi, c'est la cupidité. L'argent va tourner autour de cela. Il va prêcher, il va dire, Dieu m'a dit qu'il y a 30 personnes ici qui vont semer dans ce ministère-ci. Vous semez comme ça, là. Il veut 5 personnes qui se lèvent pour prendre l'engagement devant Dieu. De donner 5 millions chacun. Au bureau, ils auront à discuter avec les gens qui vont venir. Enfin, quand ils ne veulent pas parler de cela, ils invitent souvent les gens du Congo ou bien du Nigeria. Parce que ce sont les spécialistes d'appel de fonds. Quand ils viennent, ils parlent seulement de l'argent. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui bénit. Tu donnes un dollar, il te donne un dollar. Tu donnes un euro, il te donne un euro. Donc Dieu s'attend au ciel, tu donnes 100 euros, il pose 100 euros dans sa caisse, il te donne. Frère, ce n'est pas le Dieu de la Bible ici. Vous voyez, par cupidité. Donc même dans, dans l'Ancien Testament, on voit effectivement que les fils de Samuel étaient cupides. Continuons. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Oui. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur, sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Écoutez bien le mot. Il y en a chez toutes les nations. Stop. Donc, vous voyez effectivement que les motivations que vous pouvez avoir, les explications que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir raison n'importe comment, mais devant Dieu, on n'a pas raison. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a présenté. Samuel avait des fils. On s'attendrait à ce que, comme le fils, le prophète était là, que ses fils marchent comme il doit entrer, comme son père, le père aussi a marché. Mais les gens ont constaté qu'ils ne marchaient pas bien droit. Alors, ils souhaitent. Vous voyez que l'intérêt, ce qui se cache derrière, c'est qu'ils ont raison de dire que tes fils ne marchent pas droit devant nous. Mais la façon de manifester ces mécontentements, ils ont fait un mauvais choix. Ils devaient par exemple dire, dis-nous qui le Seigneur a envoyé pour nous conduire après toi, parce que tu es déjà vieux. C'est ce qu'ils ont dit. Tu es vieux. Et voici tes fils ne marchent pas. Est-ce que Dieu leur avait dit que c'est le fils qui est remplaçant de Samuel? Non. Dieu a dit ça quelque part? Non. Dieu a dit quelque part que le père doit hériter des prophéties des rêves, papa? Non. Dieu a dit que le ministère se transmet de père en fils? Non. Oui, ouais, il y a un problème là. Alors, le ministère prophétique n'est pas transmissible. Le ministère du sacerdoce lévitique était transmissible pour maintenir le sacerdoce jusqu'à ce que le sacerdoce de Melchizedek puisse venir à l'horizon. Maintenant, ici, ils disent, mets sur nous un roi comme toutes les nations. Les nations là, servaient qui? Vous m'entendez là-bas, hein? Oui. Vous m'entendez? Les nations que Israël était en train de vouloir imiter là, ils servaient qui? Les dieux païens. Donc ils servaient Satan, pas vrai? Israël était avec qui pour Dieu? Le Dieu créateur, pas vrai? Maintenant, et s'il veut imiter qui? Satan. Alors, remarquez, il était de vouloir expliquer quelque chose. Et puis je voulais vous montrer comment on élimine Dieu. Parce que ici dans 2 Pierre, on dit, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Je vous ai dit qu'on ne régnit pas Jésus en disant que non, je te régnis. La position que tu prends montre que tu l'as régné. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset pour vous montrer cela. Vous remarquez que dans cette phrase-là, aucun juif n'a dit nous régnons le Dieu d'Israël, pas vrai? Maintenant, suivons ce que Dieu va dire. Continuons. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Vous voyez? Vous avez vu? Donc le prophète a compris que c'est un mauvais désir ici. Mais pourtant, la phrase ne semble pas être mauvaise. C'est comme si, non, c'est normal qu'on ait un chef au-dessus de nous. Donne-nous un roi. La Bible déclare que Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donne-nous un roi. Continuons la lecture. Et Samuel pria l'Éternel. Oui. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Oui. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Stop. Vous avez vu un endroit où ils ont dit que nous rejetons Dieu? Non. Mais Dieu a dit que quoi? Ce n'est pas toi qui rejette son nom. C'est moi, ils ont rejeté. Donc comme ils ont dit à Samuel, mets un roi sur nous. Il vient de refuser la royauté de Jésus. Vous voyez cela? Il vient de refuser la domination de Dieu. Parce que Dieu est leur roi. Il vient de choisir un roi. Et pas n'importe quel style de roi. Comme chez les hommes. Comme chez les nations. Donc vous voyez qu'en faisant le choix comme le monde, en imitant le monde, à cet instant on s'écarte de Dieu. À cet instant, Israël est tombé dans la disgrâce. À cet instant. Donc, quand la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qu'il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Quand il dit ça, il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quand il dit que plusieurs les suivront, ça veut dire que plusieurs vont les suivre. Alors, posez-vous la question, vous avez suivi qui depuis, là, au juste? Maintenant, quand on revient, maintenant, on dit que parce qu'ils ont régné le maître, ça veut dire que leur action qu'il pose est contraire à ce que Dieu a demandé de poser. Quand il pose cette action-là, à cet instant, donc un prédicateur ne viendra, vous ne verrez jamais, même un faux prophète, il ne viendra jamais un prophète prêcher que Jésus-Christ n'est jamais mort à la croix, jamais. Vous ne voyez personne. Christ est, Jésus est notre rédempteur, vous dites Amen. Vous voyez cela? Et ce, Jésus a fait comme ça, il prêche toutes les actions. Mais l'action qu'il pose montre clairement qu'il est contraire à ce message-là. Parce qu'il sait que s'il dit que Jésus n'est pas mort à la croix, toi au moins tu sais que moi, même dans le film de Jésus, tu as vu ça. Donc il a intérêt à ne pas dire ça. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Même quand les Chinois font le faux maillot Adidas, il faut qu'ils l'écrivent à Bibos. Parce que D et B, si vous écrivez, vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez pas savoir que c'est D qu'on a écrit. Parce que s'il met droit Adidas, on va savoir que non, non, non, on va le porter plein. Mais il met à Bibos. Mais même Nike, il renverse plutôt comme ça. Il ne peut pas m'écrire Nike en mettant plus dans la croix parce qu'on sait que ce n'est pas Nike là-bas. On sait que Nike, c'est un trait comme ça, là, comme juste. Mais il écrit sa part, il renverse. La vérité comme ça tordue. Voilà donc ce que Satan fait. Alors si Satan vient, même si c'est un musulman, même si c'est un sataniste, vous entendez quelque part ici, on écrit peut-être de la maison aussi, église de Satan. Même le sorcier n'entre pas là-bas. Même le sorcier. Appelez un marabout, dites que j'ai vu une église de Satan, on parle là-bas, il doit dire que mon ami, il ne sait pas Satan. Mais lui sait qui est en réalité. Satan. Mais il n'aime pas quand c'est violent comme ça. Il n'aime pas quand c'est violent, quand tu ne dis pas directement que non, c'est Satan, et c'est qu'on sait. Non, non, non, non. Il préfère qu'on dise que c'est Jésus avant que non, que c'est l'intérêt, c'est Satan. Tu écris église de Satan, il dit même le sorcier du quartier le plus réputé, il ne viendra pas là-bas. Mais il ira dans les églises, s'asseoir là-bas tranquillement, où il peut se camoufler. Voilà ce qu'il en est. Alors, dans ce livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 16 dit « Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Ça veut dire il faut qu'on ait les modèles d'action. Parce que pour que vous sachiez ce qui est bon, il a dit que nous avons la capacité de discerner le bien et le mal. Il faut savoir ce qui est bien pour savoir rejeter ce qui est mal. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle par mauvaise action chez nous, qui nous a emprisonnés? Souvenez-vous, je vous ai parlé de la prison. Nous sommes tous, nous avons vu depuis dans la Bible, que nous sommes tous des prisonniers. D'autres sont prisonniers de leur tradition. Vous entendez quelqu'un dire que non, à la fin de chaque année, il faut qu'il parte verser le sacrifice sur mon parent. Mais écoutez, quelqu'un voyage peut-être en Europe, il vient sur la tombe de son parent, il vient s'asseoir là-bas. Et il dit, papa, je ne t'ai pas oublié. C'est que les temps sont difficiles. Bénis-moi comme ça, il va venir construire des choses sur la tête, sur ta tête. Donc il pleut sur ta tête. Donc quand il pleut sur ta tête là-bas, il entend comment la pluie tombe sur lui. Mais il ne peut pas quitter, fuir seulement pour vous faire s'abriter. Pas vrai, frère? Vous voyez qu'on est en prison, pas vrai? Il dit qu'il allait construire les choses sur la tête du papa. D'autres prennent le coquille comme ça, ils préparent. Ils mettent un peu dans le ils déposent sur la tombe du papa. Il dit, papa, voilà, t'as pas la nourriture, mais sans couvrir. Il manque de respect. Vous voyez? Pendant qu'il tourne, le chien mange. On dit que non, c'est les ancêtres qui sont dans le chien. Le chien qui est au quartier, qui mange le caca. Donc ce sont tes ancêtres qui sont dedans. On a été déboulonnés, déréglés. La méchanceté de nos actions. Et on fait cela, dimanche, on est à l'église. On prie, on lève la main. Dieu dit, je ne peux pas voir les crimes s'associer aux solennités. C'est pour ça que vous criez, je n'entends pas. Vous me suivez, frère? Les prisonniers. Prisonniers par des actions. Prisonniers par nos façons de faire. Prisonniers par la philosophie. Par ce qu'on nous a appris à l'école. Prisonniers par les actions de nos vies. Prisonniers par des passions de notre corps. Prisonniers par nos mauvais désirs. Prisonniers par nos standards. On est prisonniers. Il faut la délivrance. Et Jésus donc dit, c'est pour cela qu'il a dit, si vous recevez cette signe d'affranchissement, vous êtes libre. Quand vous êtes libre avec Jésus, selon Jésus, et que vous êtes mis en à part, de l'autre côté, on va vous taxer de fou. Parce que le monde s'y aimerait ce qui est à lui. Si vous conformez au monde, vous allez commencer à vous faire comme le monde. Vous allez vous faire comme le monde. Le monde va aimer ce qui est à lui, vous allez lui plaire. Vous êtes là, mes frères. Israël a rejeté Dieu en prenant position contre Dieu. Donc il suffit de prendre la parole, faire ce que la parole ne dit pas. Dieu dit par exemple, dans Philippe, j'ai cité tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est que Dieu veut. Donc là, c'est l'expression de sa volonté. C'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc si tu ne vis pas dans la sainteté, à cet instant, tu as rejeté qui? Dieu. En fait, dans ce livre-là, le verset 6 dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, il vient de rejeter qui? Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 6. Si vous rejetez ces préceptes, tu dis non. Dieu n'est pas trop dur comme ça, comme vous là-bas. Il dit si vous ne rejetez ces préceptes, si vous venez rejeter Dieu. Vous y êtes? Voilà. Prenons le livre de Romains. Je vous ai dit qu'on va voir les actions, ça va nous conduire dans le livre de Romains. C'est ce qu'il vous a dit, non? Il dit si vous êtes fatigué, vous me dites, il vous donne une pause et puis il revient. Romains chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Amen. Chapitre 8, oui. Dis, hein? Oui. Verset 12 et 13, qu'est-ce que ça dit? Verset 12 et 13. Oui. Nous ne sommes point redevables à la chair. Oui. Pour vivre selon la chair. Oui. Si si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit... Vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, toi qui as lu, qu'est-ce que tu as compris? Il dit, Paul dit, ainsi donc frère, au verset 12, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est pas ce qu'il écrit. Il dit, si vous vivrez selon la chair, vous faites quoi? Vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Les actions de la, du corps, vous vivrez. Et ici, dans le livre d'Isaïe, la Bible déclare que c'est la méchanceté de vos actions. Et nous agissons par notre corps, sous l'impulsion de quelque chose qui nous y pousse. Quand vous allez forniquer, c'est quelque chose qui vous a poussé à le faire. Vous partez voler. Il y a des gens que quand ils font... Ouais, quelqu'un dit qu'il a soif. Quelqu'un travaille. Vous passez voir les gens qui creusent la tombe ou qui creusent les puits. Après, vous le voyez à s'asseoir quelque part. Il prend cet argent-là, il boit l'alcool pour détruire son corps. Il dit quoi? Il dit que je joue la vie. Donc, il passe souffrir. Il détruit son corps à l'extérieur pour prendre l'alcool pour détruire son corps à l'intérieur. Quand il finit, il ne reste pas voir les prostituées. Voilà ce que, comment il fait. Après, il fait comme ça, il dit qu'il vit. Vous comprenez, frère? Donc voilà comment il vit. Or, ces actions-ci sont les actions de quoi? De la chair. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible déclare que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair quoi? La corruption. Maintenant, Paul dit ici que si nous ne sommes pas redevables à la chair, mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions de la chair, nous vivrons. Si nous vivrons selon la chair, nous mourrons. On doit se poser des questions ici. En tout cas, voilà les deux alternatives que nous avons. Soit nous aurons la vie éternelle, soit nous allons mourir. Parce qu'il ne peut pas vouloir parler ici de la mort simple que tout le monde meurt. Parce que tout le monde, naturellement, doit mourir comme ça. Alors, ça dit qu'il y a une façon. J'ai dit donc marcher selon l'esprit, vous n'accompagnez pas les désirs de la chair. Il le dit dans le livre de Galates, chapitre 5. Maintenant, ici, donc, il dit, la meilleure façon, la seule que Dieu a pourvue pour l'homme, de ne pas passer par la voie de la chair, c'est marcher selon l'esprit. Il dit, si par l'esprit... Vous faites mourir les actions de la chair. C'est par l'esprit qu'on fait mourir. Par l'esprit qu'on fait mourir les actions de la chair. Alors, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'il faut que la parole esprit vienne habiter dans nos cœurs. Si ce n'est pas comme ça, tout ce que vous faites là, c'est la chair. Vous y êtes? Donc, on est prisonnier de la chair. Dans le livre des Romains, nous sommes dans le livre des Romains là. Au chapitre 7, si vous lisez à partir du verset 3, il dit, je dis à ceux qui connaissent la loi, ignorez-vous qu'une femme est mariée, toute femme qui est mariée, elle demeure liée par la loi à son mari de son vivant. Pas vrai? De telle façon, son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à lui. De telle façon, qu'elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre sans commettre l'adultère. Il dit de la même façon, il y a nous comme ça, dans notre être, nous avons deux lois. La loi de la mort et la loi du péché. Je désire faire le bien selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui est contraire. Il dit, misérable que je suis. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez que vous voulez faire quelque chose qui est bien, en voyant que vous avez fait le mal. Vous levez comme ça, vous pouvez marcher comme ça là. Une chose, la colère, et puis vous commettez le gaffe. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du monde. Chapitre 8, dans le verset 1, il dit que maintenant, il n'y en a plus donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, ça veut dire que il n'y a qu'une seule façon maintenant de servir Dieu, comme Christ a dit dans Jean chapitre 4. Dieu cherche ceux qui doivent le servir en esprit et en vérité. Servir en esprit, c'est pas. Si tu fais ça, tu es possédé, il faut te délivrer. C'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas ça dont il est question. Donc, souvent, quelqu'un fait il faut le délivrer. C'est pas ça dont il est question. Remarquez bien, tout à l'heure, j'ai pris un examen, j'ai dit, si j'ai fait mon doigt, je vais bouger mon doigt, je peux lever ma main, je peux baisser. Mais si le lien entre mon cerveau avec ma main n'est pas établi, je ne peux pas lever, pas vrai? Donc, ça veut dire que ma main n'a pas la liberté d'aller seule, même s'il veut commander. Je commence, ça ne marche pas. La Bible déclare dans Jean chapitre 15 que Christ Jésus est quoi? Le sept. Nous sommes quoi? Le serment. Il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits est coupé. Vous voyez? Ça, si tu es en lui, tu ne portes pas de fruits, tu es coupé. Et par conséquent, la vie ne coule pas parce que la vie qui coule dans les serments sort du sève. Vous voyez ça, frère? Donc, ça veut dire que, il y a, comme les branches sèches, si vous allez aux champs, vous allez voir les branches sèches. Pour ceux qui font le café, vous allez voir. Vous connaissez les champs de café, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont déjà fait le champ, il y a des choses qui poussent sur le caféier, bien vertes là. Mais ça, si la source là-bas, les mêmes veines, les mêmes. Vous appelez les sèves, coulent à l'intérieur, substance, ça coule dans tous les sens, même dans ce qui est mauvais. Vous allez dans les branches, comme cette feuille ici, vous allez là vous couper. La sève ne coule plus là-bas parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. Il ne reste qu'à couper la partie là et jeter, pas vrai? Mais les feuilles vertes sont connectées là-bas, ça veut dire que la sève continue à circuler là-bas. Donc ça maintenant, ça peut avoir de la chlorophylle, ça peut respirer, envoyer l'oxygène, absorber l'oxygène. Donc ça sert à quelque chose. Tout ça manqué en moi, qui ne porte pas de fruits, est coupé et jeté. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le lien, l'esprit de Christ doit être en nous. Si ce n'est pas en nous, ce que vous faites, c'est zéro. On est prisonnier. Prisonnier des passions. Prisonnier de la chair. Alors regardez bien dans quoi portent nous les désirs de nos cœurs. On continue, puis on prend une pause. On prend une pause. On prend une pause. Donc une pause s'impose, n'est-ce pas? C'est qui s'oppose à sa pause là, s'expose à une dose. On prend une pause, bébé. On prend une pause. Prenons une pause dans les 5 minutes, on revient, d'accord? Que Dieu vous bénisse. On se détend, on se détend, on se détend. Détendez-vous, le camp est vraiment grand. Vous pouvez aller observer maintenant pourquoi les plantes. Allez interroger le bananier et vous demander pourquoi ça meurt. Il va vous dire justement que c'est la vanité. Observez. Que Dieu vous bénisse.